Alors bienvenue dans votre cyber revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Chaque FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal. Alors nous en sommes à l'édition du 30 avril 2012. Alors oui, les choses avancent et puis nous nous dirigeons vers une autre émission des plus intéressantes. Sur la table pour vous cette semaine, on va parler encore de cette grève étudiante, de quelques dossiers là, qui touchent le Canada. Ensuite, on va avoir sur la table Fukushima, l'économie. On va avoir aussi au sujet là, la dispute un peu entre la Chine et la Philippine et les Philippines qui se développent là, en Asie, dans l'océan Pacifique. Et puis, on va toucher un peu à BP aussi, un petit peu de santé. Alors, voyez là, un peu tout là au menu. On va essayer de varier ça pour vous, pour vous apporter les nouvelles les plus importantes de la semaine. Alors, bienvenue. Et puis, cette semaine, on va commencer avec Fukushima. Plusieurs nouvelles encore qui sont sorties dans ce dossier-là, très importantes. On apprend ici qu'il y a eu une seconde explosion à la centrale nucléaire de Mitsui. Alors, c'est reporté par Kyodo. Alors, on apprend que 3400 gros baril de matériel radioactif qui contient de l'uranium appauvri. Alors, ça a été tout à fait confirmé. Alors, vous voyez d'autres problèmes nucléaires qui se développent encore et puis toujours. Il y a aussi des problèmes avec une centrale nucléaire aux États-Unis. Alors, vous allez trouver toutes ces nouvelles-là, là, évidemment, sur les nouvelles internationales, comme à chaque semaine. Vous avez un article très intéressant ici où on parle aussi Radioactive Hell on Earth, alors un enfer radioactif sur la Terre, où on parle justement des effets qui sont très dévastateurs à cause de la radioactivité, puis on parle ici de Tchernobyl et puis des effets qu'on a encore. Vous avez des fermiers, même jusqu'en Angleterre, qui doivent toujours obtenir une licence, un permis pour élever des chèvres, et puis ceci est dû aux retombées de Tchernobyl, parce que vous avez encore des chèvres qui sont radioactives. Alors, imaginez qu'ils contiennent des éléments radioactifs qui se passent de génération en génération. Un article ici aussi qui parle pourquoi Fukushima est un plus grand désastre que Tchernobyl. Alors, évidemment, j'en ai parlé dans le passé, Tchernobyl est au moins 4 à 6 fois pire que Tchernobyl, disons-le. Alors, c'est vraiment pas de quoi là, qui est comparable. Même là, on est vraiment à au moins 2-3 échelles au-dessus de Tchernobyl. Vous avez la pression qui a doublé à l'intérieur du réacteur numéro 2 aussi à Fukushima à partir de la fin de au début du mois d'avril. on a essayé de réduire la pression, les températures qui ont monté, toutes sortes d'affaires comme ça. Vous avez une vidéo fort intéressante aussi où apparemment des gens sont entrés, je dis apparemment, vous allez comprendre pourquoi, là, seraient entrés dans le bâtiment numéro 4 du réacteur numéro 4 pour aller explorer la fameuse piscine et ses supports et puis écouter ce truc-là. Et tellement radioactif que c'est à se demander si la vidéo elle a pas été tout simplement là, fabriquée pour faire à croire que la situation est pas si pire et puis nous montrer des images. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que les gens ont tout simplement sacrifié aussi des gens pour y aller, leur disant qu'il y a aucun problème alors qu'ils vont se prendre des doses massives de radioactivité? Allez savoir, dans ce dossier-là, on peut se méfier de tous les mensonges, et puis c'est pas une question de paranoïa ou de conspiration, là. Quand vous avez TEPCO puis un gouvernement, et puis dans le fond une institution nucléaire internationale au complet, qui vous mente à propos des informations les plus sérieuses, et puis j'ai nommé le fait que vous avez les 4 réacteurs, possiblement 5 et peut-être même 6 à Fukushima Daiichi, qui sont entrés en fusion nucléaire quelques heures après que le tsunami ait frappé. Et puis, ça leur a pris 6 mois, je répète, 6 mois, avant de nous avouer ce fait crucial pour toute l'humanité, pour toute la planète entière. Alors, si ces gens sont capables de mentir sur le meltdown, la fusion de cœur de réacteur, non seulement 1, mais 2, 3, 4, possiblement 5 et 6, et bien, pendant des mois, bien, imaginez le niveau de mensonge qu'on peut jouer ici, là. Des nouvelles quand même assez incroyables. Ici, on parle d'un photographe qui a pris différentes photos aussi, justement, des enfants qui sont nés des effets de Tchernobyl. Alors, allez voir ça aussi, une vidéo absolument choc. Plusieurs nouvelles comme ça. On parle d'ailleurs ici un nouveau programme aux nouvelles au Japon, où on voit les mutations que différentes formes de vie autour de Fukushima, autour de Tokyo, ainsi de suite, commence à subir. Alors, ici, on parle des plantes. On parle des pissenlits qui ont déjà des déformations importantes. Alors, allez voir ça. Et puis, vous allez trouver aussi d'autres nouvelles assez particulières à propos de cette substance noire qu'on retrouve. Et puis, on l'a mesurée. On trouve 20 millions de becquerels par kilogramme de césium. Plusieurs fois plus radioactif que ce que les officiels ont pris, ont déclaré. Et puis, on a trouvé dans ces fameuses substances noires qu'on retrouve un peu partout, là, sur les places publiques autour de Fukushima et puis de Tokyo et des différentes villes autour, là. Et ces fameuses substances noires contiennent du plutonium. Alors, du plutonium. Alors, vous comprenez, là, qu'on commence à parler de choses absolument dévastatrice ici, le plutonium qui est une des substances, c'est pas la substance la plus toxique connue de l'humanité. Ici, vous avez Manichi qui publie un rapport sur le cancer de la thyroïde. On trouve 30% à Fukushima de personnes qui ont une tumeur de 2 cm ou moins et qui ont la glande thyroïde de 5 cm par 3 cm total seulement. Alors, on dit que les augmentations après des doses de 10 sievers, alors écoutez, c'est assez, c'est quoi ça, cette information? Attends, je lis ça, là. On dit que les gens qui déclarent avoir un cancer augmentent après 10 sievers de radiation de dose. Écoutez, c'est quand même assez incroyable, là. Donc, allez voir ça. Plusieurs nouvelles. Donc, on va sauter assez rapidement par-dessus ça, mais vous voyez, là, que le dossier continue à se développer. Puis, j'ai 17 pages ici, là, même plus, là, quand je vais avoir terminé le dossier. Probablement une vingtaine de pages de liens, des trucs les plus importants à savoir à propos de Tchernobyl. Alors, vous allez retrouver les informations les plus importantes aussi soulignées en jaune. Alors, vous allez aussi, là, trouver facilement, là, les nouvelles que j'ai détectées comme étant au moins les plus cruciales. Ça n'avait pas le temps de tout fouiller. On va maintenant aussi construire un mur d'environ 30 mètres de hauteur souterrain à Fukushima Daiichi pour prévenir une contamination et un étalement de cette contamination radioactive. On a déjà commencé la construction. Elle devrait se terminer en juin 2014. Vous allez trouver toutes les photos à propos de ça. Alors, vous voyez, on est en train de mettre en place là, un mur là, autour de Fukushima. Ça, c'est une solution qu'Arnie Gardenson avait proposée il y a, mon Dieu, ça doit faire à peu près un an, et puis là, on vient de se mettre en place, on vient de se mettre en action, et puis vous voyez que les choses ne bougent pas très vite là-bas. Là. Vraiment, là, on parle, écoutez, vous allez trouver d'autres articles là, qui parlent d'ici, des experts qui disent que les techniques pour nettoyer Fukushima restent à inventer. On n'a pas encore la technologie pour décontaminer ce site-là. On espère l'avoir d'ici quelques décennies et on parle entre 50 et 100 ans avant qu'on soit capable de faire quoi que ce soit avec cette situation-là. Là, on dit TEPCO va larguer aussi de l'eau contaminée qui se trouve sous les réacteurs dans l'océan, rapporté par Kyodo. Alors, on dit 1000 tonnes par jour qu'on va déverser dans le Pacifique. On ne va même pas vérifier l'état de contamination. Alors, vous voyez, quand même assez incroyable. Alors, plusieurs articles assez chocs à ce niveau-là. Vous allez voir, là, quand même, un dossier qui continue de se développer et puis qui est des plus sérieux. Ensuite, on va se tourner vers les nouvelles ici, plus à la maison. Premièrement, vous savez, j'aime donner des coups de poignard dans les côtes des médias qui ne font pas, non seulement ils ne font pas leur travail, mais qui en plus maltraitent la population avec de la désinformation, avec des mensonges, l'amènent à faire des choix non éclairés, en ne fournissant pas des informations complètes ou simplement en omettant de rapporter des pièces d'information des plus importantes. Et puis, ça fait des années que, tu sais, je fais des blagues en disant que j'aime leur donner des petits coups de poignard dans les côtes, là, mais vous savez, c'est un peu triste, là, réellement, là, que la population soit maintenue dans un vide d'informations tel qu'on le voit dans les médias de masse. Et puis, ben écoutez, les gens sont pas stupides, hein? Les gens sont pas stupides en général. Ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas et ils recherchent la vérité, recherchent à savoir ce qui se passe. La vérité, on la détient jamais de façon absolue, mais l'important, c'est d'être en chemin, de la chercher partout où elle nous mène, ok? Même des fois dans les places les plus surprenantes. Et les gens s'en rendent compte et se tournent vers les médias alternatifs de plus en plus pour retrouver les informations les plus importantes. Alors, ben là, ici, vous avez un témoignage assez important de cela. CNN aux États-Unis a perdu la moitié de son auditoriat. Alors, vous avez les médias corporatifs comme ça qui sont en chute libre, alors que les médias alternatifs sont en train d'exploser en termes d'auditoriat. Alors, ça, c'est assez incroyable. Alors, allez voir ça. Des révélations quand même assez chocs. Vous avez tout ce secteur-là qui est en train de s'effondrer. Et puis, ben vous avez ces nouvelles-là, ça a été fait, écoutez, c'est des sondages qui sont faits, cette fois-ci aux États-Unis. Ça a été fait par TV Newser. Et puis, on a trouvé que, ben justement, comme je disais, CNN a perdu 50% de son auditoriat total. Alors, voyez, c'est quand même assez incroyable. Là, on parle de d'autres médias ici aussi, là. Donc, c'est bien la raison pour laquelle, justement, ils sont en chute libre. C'est parce que les gens se détournent simplement de ces fausses nouvelles, de ces faux bulletins de nouvelles, ainsi de suite. Alors, au Canada, ici plus particulièrement au Québec, on continue toujours avec la grève étudiante qui se poursuit et continue de gagner des points, même si le gouvernement dit le contraire, dépense des millions de dollars pour nous passer des annonces partout dans les médias, pour nous laver le cerveau, nous faire croire que le gouvernement dépense bien notre argent, que le gouvernement a à cœur notre bien, s'occupe des étudiants parfaitement, l'éducation ça va super bien, l'économie on vous aime, en tout cas, voyez un peu le genre là. Pendant ce temps-là, on a arrêté des dizaines de manifestants lors des manifestations ici à Montréal et on a même utilisé des gaz lacrymogènes et ainsi de suite. Alors voyez, c'est comme ça qu'on reçoit les manifestants. Alors on les gaze ainsi de suite et puis vous avez différentes vidéos par rapport à ça. Alors écoutez, évidemment que je vous ai mis plusieurs articles là, qui vont plus en profondeur pour expliquer un peu ce qui se passe derrière ça et puis ce qui est en jeu ici. Parce que, évidemment, que le beau slogan du gouvernement ici, c'est de dire que les étudiants devraient faire leur part. Hein? Tout le monde devrait faire sa part. Alors, on essaie de nous faire sentir coupables, puis de mettre des beaux motifs en jeu ici de dire que les étudiants, tout le monde dans la société devrait participer, puis que c'est pas juste au gouvernement de payer. On nous passe même des annonces, hein, pour lutter contre le travail au noir. Alors, des annonces publicitaires payées par le gouvernement, c'est-à-dire par notre argent, pour essayer de nous vendre l'idée que, oh, le pauvre gouvernement ici, il paye des milliards de dollars parce que les gens transigent en dessous de la table, alors évidemment au noir, sans déclarer les échanges. Et puis le gouvernement, il voudrait récupérer cet argent-là, le pauvre petit gouvernement, hein, alors que lui s'amuse à dilapider nos fonds publics, à les voler, la corruption avec la mafia dans les chantiers de construction, la caisse de dépôt qui a perdu 40 milliards de dollars, on donne 1 million à celui qui a supervisé cette perte de 40 milliards de dollars comme bonus de départ. Voyez un peu le genre, là, je veux dire, c'est la catastrophe totale, je veux dire, c'est même plus un gouvernement qui représente la population, le gouvernement qui rit de la population, et puis après ça, essaie de nous faire sentir coupable, parce que là, on essaie des fois de sauver des taxes, hein, en faisant des échanges au noir, alors voyez un peu la situation, c'est assez incroyable. Alors, quand on fouille un peu plus, on se rend compte que ce gouvernement-là est menteur jusqu'à la dernière goutte. On voit que vous avez un article d'ailleurs ici là, qui a été publié sur mondialisation.ca qui vient du Décodeur, la privatisation du système des prêts aux bourses au Québec. Les banques rigolent et encaissent. Alors, un excellent article ici que je vous invite à aller voir de M. Granger. Et puis, écoutez, je vous en lis un petit bout parce que ça en vaut la peine. Là, je veux dire, ça résume bien la situation. Le mouvement de grève étudiante qui submerge le Québec en ce moment me permet de parler d'un sujet qui me fait grincer les dents depuis longtemps. Un sujet qui, étrangement, semble être passé sous le radar de tous les militants de la cause étudiante. Je parle de la privatisation du système de prêts et bourses. Parce que là, vous savez, le gouvernement a dit aux étudiants, hein, chers auditeurs, que les étudiants n'avaient pas à s'en faire si les frais de scolarité étaient pour coûter plus cher. Ben, c'est pas grave, parce qu'on va leur donner des prêts et bourses, hein? Surtout des prêts. Peut-être pas tant de bourses, mais bon, je veux dire, on va finalement faire en sorte que les étudiants vont s'endetter davantage, un peu comme le modèle américain où la dette étudiante vient de passer le cap du trillion de dollars, c'est-à-dire les 1 000 milliards de dollars. Alors, les étudiants sortent des études avec les chaînes au cou, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, déjà comme des esclaves financiers. Ils n'ont aucune liberté. Ils sont déjà mal partis dans la vie parce qu'ils sont déjà calés sous un poids incroyable des dettes. Et puis, on veut les enfoncer encore plus dans la dette. Alors, à qui ça profite? Hein? À qui ça profite, chers auditeurs? Eh bien, aux banques. Alors, je poursuis avec cet article qui, justement, va au cœur de cette histoire. Alors, voici comment la privatisation s'opère. Maintenant, au lieu de s'endetter vers le... maintenant, au lieu de s'endetter envers le gouvernement qui, normalement, se ferait rembourser avec intérêt, on s'endette aujourd'hui auprès des institutions financières. Qui plus est, le gouvernement garantit aux banques le paiement des intérêts. D'abord, durant la période de remboursement différé, puis, lorsque la dette ne peut être payée par l'étudiant à long terme, le gouvernement règle la note et paye la banque avec les intérêts en plus. On peut le dire, les banques rigolent et encaissent. Effectivement, cet article fait le point sur de quoi de crucial ici. Je poursuis. Il s'agit d'une opération sans risque pour les institutions financières, car en cas de non-paiement, le gouvernement, donc les contribuables, paye la facture. Il faut aussi savoir que l'étudiant se fait d'abord prêter le montant en entier de son aide financière par une institution financière et ensuite le gouvernement convertit une partie de ce prêt en bourse. En somme, le gouvernement paye la somme aux banques lors de cette conversion. La banque gère complètement le système d'aide financière aux étudiants. Alors, c'est pourquoi Jerry Jaune dit l'auteur, lorsque je lis sur le site web de l'aide financière aux études du Québec que le gouvernement donne un certificat garantie pour les prêts étudiants comme si celui-ci était adressé aux étudiants. Le certificat de garantie, c'est aux banques qu'il faudrait le donner, car c'est bien eux qui se font garantir un investissement sans risque. Alors, si c'est encore plus direct, je dirais que ce sont les institutions financières qui ont reçu la réforme des prêts et bourses que le gouvernement du Québec l'a tout simplement implantée. Cela veut dire que le contribuable est perdant sur tous les aspects. Alors, j'implore donc les militants étudiants à dénoncer la privatisation de l'endettement étudiant. Alors, j'espère que les étudiants qui sont à l'écoute de cette émission prennent bien note de ce fait crucial. La hausse des frais de scolarité et le système de prêts et bourses ne profitent donc qu'aux institutions financières et le contribuable. La classe moyenne doit payer l'addition. Il faut renverser la privatisation du système d'éducation qui s'opère à tous les niveaux. Bon, mais ça, là, c'est un sujet excessivement important. Okay? Parce que derrière cette réforme-là se cache plusieurs choses. Hein? Je vous avais parlé du cas des F-35 qui était pour être acheté au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral qui a coupé dans les transferts vers les provinces. Alors, les provinces qui doivent s'endetter davantage pour mener à bien leurs programmes sociaux. Et puis là, ils font payer la facture à qui? À la population. Et puis, ben là, vous allez apprendre une autre bonne partie de ce dossier-là par un article du professeur Michel Chosudovski sur mondialisation.ca qui se nomme « Violence budgétaire, le plan Nord de Jean Charest sera financé par la hausse des droits de scolarité. » Oh, oh! Alors, imaginez là, comment que on vous tient dans le noir à propos des vrais enjeux de ce qui se passe derrière ça. C'est de la vraie gamique totale. Puis, où vous l'aurez entendu, eh bien, c'est ici sur l'autre monde, grâce à ses auteurs, hein? Vous avez des gens comme Granger, vous avez des gens comme Chosudovski, vous avez des gens qui vous expliquent ce qui se passe. Puis ici, à l'autre monde, moi, je rassemble toutes ces nouvelles-là, tous ces articles-là, toutes ces informations-là, pour vous les mettre ensemble, et puis vous les diriger vers vous, et vous les mettre facilement accessibles sur les nouvelles internationales, qui est mon blog personnel. Alors, l'article de Michel Chosudovski est fort intéressant aussi. Je ne vous le lirai pas au complet, mais je vous invite à le faire parce qu'il est des plus intéressants. On parle d'austérité budgétaire pour les uns, argent facile et profit pour les autres. Les compagnies minières ne paient pas de droits de scolarité, entre guillemets. On parle de cuivre, or, diamant, nickel, lithium, uranium, énergie hydroélectrique. Les richesses du Grand Nord québécois sont vendues à rabais à des investisseurs privés. Alors, on prévoit des investissements publics et privés de l'ordre de 82 milliards de dollars sur une période de 25 ans. Le financement gouvernemental de ce projet durant les trois premières années de 2012 à 2015 sera de l'ordre de 1,6 milliard de dollars. Les frais de promotion sont énormes. Le Québec consacre 500 millions de dollars sur 5 ans afin d'attirer les partenaires privés. Dans une conjoncture d'austérité budgétaire frappant le Québec, d'où provient cette énorme somme d'argent? Eh bien, le financement du plan Nord gruge les dépenses sociales, dit le professeur Chosudovski. Violence budgétaire, ce projet sera en partie financé par les hausses des droits de scolarité universitaire au bénéfice des grandes sociétés multinationales. Eh bien, dis donc, les grands acteurs du plan Nord jouissent d'un généreux appui financier du gouvernement et ces compagnies comme Rio Tinto Alcan, ArcelorMittal, IAM Gold, Alcoa, Cliffs, Agnio Eagle, Extrata. Alors, vous voyez ces compagnies qui profitent de cet argent, l'aide sociale. Mais c'est pas de l'aide sociale, c'est de l'aide corporative, hein? Des compagnies qui vivent sur le bras du Canadien, finalement, sur le bras du gouvernement qui se trouve avec nous, finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez comprendre que il est essentiel que l'action étudiante encore et citoyenne visant le gel des droits de scolarité soulève la question du plan Nord aussi de son financement au profit d'une poignée de sociétés multinationales, sans parler du pillage des terres autochtones et de la déstabilisation de l'écosystème, dont les forêts en zone boréale au-delà du 49e parallèle Nord. Et puis évidemment que vous voyez qu'à un moment donné, on essaie d'accaparer des sommes d'argent absolument incroyables pour favoriser le secteur privé. Et puis après ça, on demande aux étudiants, eux autres, de payer pour leur éducation. N'est-ce pas incroyable? Alors, on parle ici dans un chapitre fort intéressant de droits de scolarité et dépenses militaires, deux poids, deux mesures. Et puis là, ce qui se passe, c'est que l'autre argument de poids dans le débat sur les droits de scolarité est la montée en flèche des dépenses militaires au détriment du projet de société. L'achat de systèmes d'armes perfectionnés se fera aux dépens des transferts du fédéral au provincial, lesquels contribuent au financement de la santé et de l'éducation. Indirectement, la hausse des droits de scolarité finance l'économie de guerre, dont l'achat controversé des chasseurs F-35. Donc, voyez que on dépense des sommes faramineuses dans l'armée pour aider les banques, pour aider les multinationales, les minières, ainsi de suite. Alors que le gouvernement Charest mène une guerre économique à l'endroit du peuple québécois. Et puis là, il faudrait confronter l'arrogance du gouvernement québécois. Et puis, Michel Chosudovski nous signale quelques façons par lesquelles on pourrait y arriver. J'en cite quelques-unes. Numéro 1, en faisant une vérification citoyenne de l'utilisation des fonds publics, il est temps qu'on s'en mêle, là, incluant les décaissements prévus dans le plan dans le cadre du plan Nord au profit des sociétés minières. Numéro 2, en interpellant le gouvernement fédéral de Stephen Harper concernant l'augmentation des dépenses militaires au détriment du financement des programmes sociaux au niveau provincial. 3, la négociation sur les droits de scolarité sera désormais conditionnelle à un examen détaillé des options budgétaires des deux paliers du gouvernement, fédéral et provincial, ainsi qu'une vérification des débordements financiers du Québec et Ottawa en faveur des milieux d'affaires. Et puis 4, il est important que d'ores et déjà, les revendications étudiantes à l'endroit du gouvernement soient menées avec l'appui du mouvement syndical et en étroite liaison avec d'autres secteurs de la société québécoise, employés du secteur public, travailleurs de la santé, enseignants, agriculteurs, petites et moyennes entreprises, affectés par les dites mesures d'austérité budgétaire. C'est une affaire de toute une société, c'est pas juste les étudiants. Vous comprenez? Alors, des nouvelles absolument importantes à aller découvrir. Ensuite, ici, on parle de la militarisation de la police et des Bilderberg 2012. Vous avez une vidéo où on apprend ici que vous avez de ces fameux drones qui ont été faits en Israël, OK, par l'appareil militaire israélien, apparemment aurait volé dans le ciel du Québec, au-dessus de Alma. OK, alors la vidéo que j'ai ici, on parle de Aerodynamic Limited of Israel, qui a fait équipe avec la compagnie basée à Montréal, CAE Incorporated, pour démontrer qu'il y a une utilisation civile pour les drones militaires, selon le Star, qui est un journal de l'Ontario. Alors, on voit ici qu'on est en train, encore là, de militariser les forces de la police, et que ceci mène sur une pente descendante vers une perte des libertés civiles, évidemment. Alors, pendant ce temps-là, ben, vous avez un sondage ici des Canadiens qui ont trouvé que, évidemment, la popularité du gouvernement Harper a descendu énormément depuis justement les scandales des élections. Alors, vous avez eu probablement une fraude électorale assez importante et puis le scandale des F-35. Alors, évidemment que le gouvernement qui finalement qui n'est pas un vrai gouvernement pour le peuple, mais un gouvernement qui sert simplement l'élite et le complexe militaro-industriel et bancaire. Hein? Donc, un coup d'État silencieux, il faut le dire. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Alors, perd évidemment de son illusion face à la population. Ensuite, un autre article qui parle ici, justement, qui est relié à cette hausse des frais de scolarité et de l'endettement, c'est qu'à un moment donné, on se demande même si ça vaut la peine encore là d'aller obtenir ces fameux diplômes, alors qu'on apprend que 53% de tous les gradués du collège en Amérique sont sous-employés ou n'ont pas d'emploi, tout simplement. Alors, les chiffres qui sont pour l'année 2011. Alors, imaginez, c'est quand même assez incroyable. Donc, c'est ça. C'est que les gens, ils sortent finalement de leur étude avec des dizaines de milliers de dollars de dettes. Et puis, en plus, ils peuvent même pas se trouver de travail puis rembourser ces dettes. Imaginez. N'est-ce pas incroyable? Pendant ce temps-là, ben, on se prépare à ce sommet de l'OTAN à Chicago. Et puis, on a même demandé à des résidents de quitter leur résidence. Alors, on se demande si Obama va faire en sorte qu'on va avoir des révoltes. Alors, écoutez, on sait qu'on infiltre les rangs des manifestants et puis que même on fomente tout simplement des fausses manifestations. On fait de la casse pour justifier après ça la descente des forces policières sur les manifestants, sur la population, pour leur fermer la gueule. Alors, écoutez, on a demandé aux gens qui habitent dans les condominiums et puis dans les habitations proches de la place où les gens de l'OTAN vont se réunir le mois prochain, en fait en mai. Et puis ben là, on se demande, parce que là on dit qu'on a peur, qu'on craint que les gens soient pris dans un soulèvement violent de manifestants. Alors, est-ce qu'on va faire en sorte qu'on va déclarer la loi martiale aux États-Unis ou est-ce qu'on va faire une fausse attaque terroriste Al-Qaïda? Oui, alors ça va être à garder à l'œil, assez incroyable. Vous avez la Croix-Rouge se prépare à évacuer même Chicago durant le sommet de l'OTAN. Alors, ça a été rapporté par CBS 2 News et par d'autres médias. Alors, quand même assez particulier aussi ce qui va se passer là. Puis pendant ce temps-là, bien, vous avez un autre drill militaire qui comprend l'armée canadienne et américaine, qui sont en fait des États-Uniennes, qui se sont fusionné dernièrement, là, il y a 2-3 ans, Les Canadiens et les Américains ne réalisent pas encore ceci, mais sous la US NORTHCOM, vous avez réellement les deux appareils militaires canadiens et états-uniens qui sont simplement reliés ensemble. Ça ne forme plus qu'une seule armée avec une juridiction, l'Amérique du Nord au complet. Alors qu'on parle de l'instauration de l'Union nord-américaine, là, ben c'est déjà en train de se faire, là, avec déjà des choses qui sont déjà en fait accomplies. Et puis là, ben on va tenir du 2 au 9 mai des exercices militaires assez importants qu'on appelle Ardent Sentry 2012, qui va être focusé sur le support à défense aux autorités civiles. Écoutez, on va mener des exercices comme ça. Qui vont prendre place au Dakota du Nord, en Oregon, au Texas, en Alaska, au Connecticut, en Nouvelle-Écosse, ici au Canada, et qui vont impliquer, comme je vous disais, des unités militaires canadiennes et états-uniennes. Alors, encore plus troublant, ici, on apprend dans une autre nouvelle que, et puis c'est confirmé par le Département de la Défense aux États-Unis, que vous allez même avoir des troupes russes qui vont conduire des exercices, des drills contre la terreur à l'intérieur des États-Unis. C'est incroyable, OK? Alors, ça a été confirmé d'ailleurs par l'appareil militaire américain. Donc, il se prépare des affaires. Global Military Alliance. Alors, ici, on parle ici d'une alliance militaire globale. Alors, on parle de partenaires à travers le globe. L'OTAN qui se consolide à travers la planète et devient une force militaire planétaire. Alors, un autre article très intéressant de Global Research, où on apprend que des leaders militaires de 50 nations, plus du quart de tous ceux du monde entier se sont réunis dans les quartiers généraux de l'OTAN à Bruxelles le 25 avril dernier pour discuter des efforts présents et futurs en Afghanistan et puis sur d'autres sujets. Alors ça aussi, vous avez un article fort intéressant ici à aller lire sur la façon dont l'OTAN est en train de... On est en train d'en faire... J'en ai parlé des émissions précédentes, là. On est en train d'en faire un corps militaire, policier, global, pour avoir une force, là, si vous voulez, une frappe militaire, autant policière que militaire, dans le monde en entier. On est en train d'instaurer cette gouvernance mondiale. Et puis, un coup que ce corps militaire va être instauré, je vais vous demander qui va être capable d'arrêter ça réellement. Là. Vous avez plusieurs nations qui se sont mises ensemble. Là. Je les nommerai pas toutes, mais vous en avez une quantité incroyable nommée dans cet article-ci. On parle de l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Bélarus, la Bosnie, Finlande, Géorgie, l'Irlande, Kazakhstan, Kyrgyzstan, la Macédonie, Malta, écoutez, la Serbie, la Suède, la Suisse, le Turkménistan, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, vous en avez en maudit, là, Jordan, Israël, Égypte, Algérie, Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, le Koweït, Bahreïn, Qatar, vous avez l'Arabie Saoudite, vous en avez une quantité comme ça qui se sont réunis ensemble, là, je veux dire, qui sont maintenant de plus en plus intégrés dans les cercles de l'OTAN. Alors, c'est ça. Je vais vous faire une petite capsule rapidement aussi, une petite demande spéciale, mais ça vaut la peine aussi, c'est pour vous montrer à quel point justement les gouvernements sont rendus insidieux, infiltrent non seulement les rangs des manifestants pour les faire mal paraître, pour les démonter, infiltrent les organisations pacifiques, infiltrent à peu près tous les groupes sociaux qui peuvent être une menace à l'ordre établi. Vous avez la même affaire ici au gouvernement Harper avec la fermeture, bâillon, exécution de droit et démocratie. C'est assez spécial. Écoutez, sous la direction de Rémi Beauregard, on avait octroyé du financement des organisations de défense des droits des Palestiniens, donc évidemment qui critiquaient l'État juif, Israël. Alors Harper, qui avec le gouvernement conservateur, de la droite évangélique, la droite religieuse ici au Québec, la même mouvance là, que George W. Bush et la même gang, là, si vous voulez, là, pro-sioniste dans le tapis. Écoutez, vous avez ce gouvernement ici qui est absolument pro-Israël et puis qui est même prêt à, si vous voulez, mettre la hache dans les droits et libertés des Canadiens, à la liberté d'expression, ainsi de suite, pour protéger, si vous voulez, les intérêts sionistes, OK? À tout prix, même lorsque c'est complètement déraisonnable. Vous savez, même le Canada en a perdu son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, tellement qu'on était la seule nation à supporter des politiques étrangères absolument sanglantes, débiles, psychopathes d'Israël. Alors, ben on fait toutes sortes de tactiques comme ça pour infiltrer ces groupes-là et puis les démonter. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, vous avez Harper qui a tout simplement envoyé, si vous voulez, ses agents, des émissaires, dont un ancien leader du B'nai B'rith à la direction de droit et démocratie. Puis ces agents sionistes ont ensuite déclenché une véritable chasse aux sorcières au sein de l'organisation. Alors, on a vraiment rentré des gens dans l'organisation. Après ça, on l'a complètement fait dérailler, dénonçant l'octroi de fonds à des troupes supposément terroristes, ainsi que la critique d'Israël qui se révèle dans les décisions prises à l'époque par la direction de droit et démocratie. Vous avez Rémi Beauregard qui a été ciblé par cette campagne de harcèlement et d'intimidation, de même que tous les membres pro-palestiniens au sein de l'organisation. Et après une lourde réunion dans laquelle Rémi Beauregard a été forcé de condamner ses propres décisions passant en faveur des Palestiniens, donc jugé anti-Israël, Rémi Beauregard est mort d'une crise cardiaque. Alors, quand même un dossier assez particulier, je vais vous dire, là. L'homme était très apprécié par les membres de l'organisation et sa mort était très louche. C'est pourquoi les membres ont exigé une enquête. L'enquête n'a pas abouti, puis la seule enquête s'est résumé à un contrôle des systèmes informatiques par une compagnie de sécurité informatique engagée par des agents sionistes nommés par Harper. Bref, des agents sionistes de Harper, fidèles aux méthodes habituelles du Mossad, ont orchestré un véritable coup d'État au sein de DAD, Droit et démocratie. Et pour couronner le tout, Harper a finalement décidé de mettre la clé dans la porte de cette organisation de défense des droits humains. Les médias indiquent que le gouvernement Harper va remplacer l'organisation par un bureau des libertés religieuses qui promet d'être un vecteur d'influence pour les groupes judéo-chrétiens, en particulier d'évangélistes, autrement dit de sionistes chrétiens, les mêmes qui ont élu Harper. Alors vous voyez, c'est sa base électorale évidemment. Donc ça fait un troisième gros coup d'État. Je répète, ça fait un troisième gros coup d'État pro-sioniste et anti-Palestine, qu'on juge anti-terroriste, dans les nations occidentales en moins de quelques mois après la loi C-10 de Harper, le Patriot Act de Sarkozy. Alors écoutez, plus de détails dans ce reportage de Radio-Canada, vous savez, différentes affaires, c'est des liens importants à les voir. Vous avez différents articles à consulter ici, qui parle de ce dossier fort chaud. Alors, vous aurez trouvé plusieurs pages là d'informations par rapport à ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'on opère pour saper, si vous voulez, la liberté d'expression, finalement, des choses qui sont totalement légitimes, comme supporter les droits humains des Palestiniens, ainsi de suite, et manifester... critiquer les politiques étrangères d'Israël, qui sont des politiques. Là. On peut critiquer les politiques étrangères de la Russie, mais on serait pas capable de le faire pour Israël. C'est ça qui est complètement débile, comprenez? Alors, beaucoup de nouvelles par rapport à ça. Donc, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale, puis après ça, on va revenir avec un peu plus de détails par rapport à ce qui se passe dans l'océan du sud de la Chine et puis avec les Philippines, ok? Mais juste avant ça, je vais juste attirer votre attention ici, là, on parle ici « Criticizing Israel is antisemitic ». Alors, « Critiquer Israël est antisémite », c'est un autre article fort intéressant ici que je vous invite à consulter qui parle justement de cette situation-là ici où on essaie de mélanger la critique d'Israël comme étant un nouvel antisémitisme. Alors, voyez là, Israël est en train de mettre sa main partout sur le gouvernement canadien. Et puis maintenant, les priorités d'Israël, en fait, les intérêts d'Israël vont être plus importants, vont arriver en premier les intérêts des Canadiens. Alors, on se laisse sur ça et puis on se retrouve immédiatement après la pause. Thank you. Bon, allez, on continue. Ça brasse pas mal autour de la Chine et puis des Philippines. Vous avez une dispute et puis les États-Unis qui sont pas loin aussi. Une dispute, vous avez évidemment des ressources pétrolières dans l'océan, dans le sud de la Chine, dans l'océan qui sépare la Chine des Philippines. Et puis, vous avez eu des déploiements de bateaux de guerre américains aux Philippines, et puis des autorités philippines aussi qui ont fait pareil, et les Chinois qui ont aussi déplacé des bateaux de guerre. Alors, on a tenu des exercices aussi, des exercices militaires dans la région. Et écoutez, chers amis, là, on est en train d'assister encore là à une provocation indue, là, une excuse pour... on a même des îles ici qu'on se dispute. Une excuse pour aller en guerre avec la Chine. Alors, vous avez Michael Rivero, d'où je prends plusieurs de mes nouvelles, lui qui semble penser, puis c'est quand même peut-être de quoi intéressant à considérer, qui semble considérer le fait que c'est peut-être les États-Unis qui ont comme objectif de provoquer la Chine pour, en fait, éviter de repayer ce que le gouvernement américain doit aux Chinois. Alors, vous savez qu'une grande partie de la dette américaine est financée par les Chinois qui, eux, détiennent la plus grande quantité de devises américaines en réserve dans le monde. Et puis, évidemment, on sait tous que c'est impossible à rembourser. Alors, le gouvernement américain fait peut-être le calcul mental de se dire que, si on est en guerre avec la Chine, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin de les rembourser. On est en guerre contre eux, voyez-vous. Alors, ça peut être particulier, et puis, écoutez, là, ça peut être intéressant à considérer. Vous avez la Chine qui a demandé aux Philippines, justement, de ne pas internationaliser le débat, la dispute. Alors, vous avez deux pays qui veulent régler leurs problèmes ensemble, mais les Américains, évidemment, qui s'en mêlent avec leur exercice militaire, qui est en fait une provocation pure et simple. Alors, il y a plusieurs moyens, en réalité, de négocier à travers cette dispute entre les Philippines et puis la Chine, sans avoir d'autres éléments comme les États-Unis qui s'en mêlent. Alors, plusieurs articles là, qui vont dans ce sens-là. Vous avez un article ici qui parle des plans américains pour une plus importante présence dans le Pacifique, alors que le pays est en banqueroute totale. Eh bien, on continue de financer les bases américaines partout à travers le Pacifique, alors qui coûtent une fortune, évidemment. Et puis, on veut se déployer de façon plus importante partout dans le Pacifique. Donc, des articles quand même, là, c'est important ici, là, je veux dire, quand on commence à avoir une confrontation militaire entre les États-Unis et la Chine, là, c'est peut-être de quoi qu'il faudrait s'occuper. Là. Donc, est-ce que ceci peut dégénérer en un conflit? Alors, conflit ouvert, déclaré. Alors, j'espère pas. Alors, vous avez même la Russie qui s'en mêle, qui s'est joint à la Chine pour des exercices navals. Donc, ça s'est passé à la fin du mois d'avril. Donc, vous allez trouver une quantité d'articles assez importants pour de ça. Un article ici qui parle de la politique américaine pour contenir la Chine. Alors, on parle de différents problèmes dans cet article avec des experts américains qui travaillent sur des problèmes militaires. Et il devient assez clair aujourd'hui que les États-Unis, dans sa confrontation avec la Chine, a trois lignes stratégiques là, pour essayer de contrôler la Chine dans l'océan Pacifique. Et puis, la première, c'est d'avoir une présence physique proche du territoire chinois sur les bases militaires américaines. Et vous avez aussi, évidemment, leur infrastructure dans l'archipel japonais. Et puis, vous avez des bases en Corée du Sud, à Okinawa, à Taïwan. Vous avez un article fort intéressant, essayez de découvrir par rapport à ça. Et puis, il y a un autre fort intéressant article ici pour vous à découvrir, publié dans les Activist Post et par Tony Cartalucci, où on parle de cette histoire encore là. C'est incroyable le nombre de manipulations qu'on peut faire pour essayer de faire accroire des choses par rapport à des pays. Vous savez, la propagande a été à son maximum pour toute la durée de l'histoire en Libye. Là, vous avez le cas en Syrie où on vous remplit de mensonges encore, de propagande, ainsi de suite. On fabrique des fausses réalités. Je veux dire, c'est incroyable. Après ça, on essaie de vous faire avaler ça. Ben là, vous avez la même affaire ici. On essaie de déstabiliser la Chine de différentes façons. Et puis là, de la discréditer, ainsi de suite. Et puis, il y a toute cette histoire maintenant avec ce supposé activiste chinois qui s'appelle le Guan Cheng, qui est un aveugle qui se serait échappé d'une prison chinoise où il aurait été extrêmement maltraité, et puis qui vient complètement discréditer la Chine. Là, je dis pas que la Chine sont blancs comme neige, là, mais je veux dire, faut leur reprocher leur action mauvaise qu'ils ont réellement commis. Je veux dire, on peut pas leur reprocher des choses qu'ils n'ont pas commis, là. Alors, cet article-là est fort intéressant. Pourquoi? Ben parce qu'on apprend que ce fameux activiste chinois, finalement, était relié encore là à des organismes occidentaux, en fait américains, comme la NED, OK, la NED, qui est un peu partout dans le monde, comme ça, fomente des soulèvements sociaux, les finances, ainsi de suite. Vous avez des gens qui sont aussi reliés au Council on Foreign Relations, qui sont reliés à Soros parce qu'ils financent des organisations comme Freedom Now, qui sont finalement des groupes pilotés financés par Wall Street puis Londres. Okay. Des gens qui sont aussi comme Freedom Now, qui sont profondément impliqués à supporter l'opposition syrienne. Alors, vous voyez, c'est le même type de personnes là, qui sont impliquées là-dedans. La même affaire qui supporte Aung San Suu Kyi au Myanmar. Vous avez Freedom Now qui est aussi en train de supporter un activiste au Bahreïn, qui se trouve être aussi un coordinateur régional pour Frontline Defenders, qui se trouve être une branche de la Ford Foundation, la Freedom House, l'American Jewish World Service, la Soros Open Society. Alors, vous voyez tous ces gens-là qui se retrouvent pris dans les mêmes, en fait, c'est les mêmes racines, c'est les mêmes bras d'un même monstre esprit qui sont en train de déstabiliser des pays à droite puis à gauche. Alors, vous avez Freedom Now aussi qui supporte d'autres drones pilotés à distance chinois, incluant le lauréat Nobel et activiste pour les droits humains Liu Xiaobo puis Gao Zixian. Alors, voyez la déstabilisation comment qu'elle s'opère. Ok, donc un article fort intéressant. Vous allez voir que vous avez d'ailleurs d'autres agences, même des Nations Unies. Hein, comme la USAID, ainsi de suite, qui sont pris dans des programmes de stérilisation forcée, comme au Pérou dans les années 90. Et puis, vous avez la Carnegie Foundation, la Rockefeller Foundation, qui ont été aussi impliqués dans de pareils plans. Alors, on semble s'insurger contre la politique eugénique de la Chine, des contrôles des naissances, des contrôles de la population. Alors qu'en réalité, ces mêmes acteurs le supportent partout dans le monde. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, on semble avoir une contradiction, en fait, qui n'en est pas. On fomente comme ça des résistances, des déstabilisations à l'intérieur des pays pour déstabiliser les pays, les rendre plus faibles. C'est assez incroyable. Un article fort intéressant ici qui parle de pourquoi tous ces groupes-là sont ensemble pour... en fait réunis dans leur intention commune d'encercler la Chine et puis d'essayer de la déstabiliser parce qu'on sait que la Chine va être la prochaine puissance mondiale, vous comprenez. En Argentine, on a saisi des compagnies pétrolières. Alors, vous voyez, dans certains pays, on commence à bouger. En Égypte, on a mis fin à un traité par rapport au gaz qu'on exportait vers Israël. Alors, on a fermé la pipeline. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez la Egyptian Natural Gas Holding Company, puis la Egyptian General Petroleum Corporation, qui a annoncé le 23 avril 2012 qui terminait, mettait fin à l'acheminement du pétrole et du gaz vers Israël. Alors, vous pouvez vous attendre rapidement à une déstabilisation de l'Égypte par Israël dans les prochaines semaines. C'est pas une prédiction très difficile à faire. D'autres nouvelles ici confirmées. Mohamed Merah était un pion, un agent, en tout cas, du moins était relié au service secret français. Une vidéo qui parle de ça. Donc, vous voyez encore là de ces androïdes biologiques pilotés par les services secrets des nations occidentales qui sont déployés un peu partout pour ingénérer des climats sociaux de peur, ainsi de suite, pour justifier des mesures de plus en plus répressives, coupées dans les droits et libertés des gens, ainsi de suite. Hein? Donc, vous comprenez, tout ça est lié ensemble. Ben, même affaire ici dans un excellent article de Britt D., contributeur du Activist Post, où on parle du fameux cas de Anders Behring Breivik. Et puis, on fait des parallèles avec Gladio. Alors, ça aussi, j'en avais parlé il y a quelques années dans l'émission. On parle de deep events, alors des événements très profonds. Traduction, en fait, c'est un terme là, de Peter Del Scott, qui est un excellent chercheur qui a écrit des articles justement sur des opérations très profondes, en fait, des deep events, comme ils les appellent, c'est-à-dire des événements qui se passent comme Gladio, qui sont des réseaux qui ont été mis en place par les services secrets de plusieurs nations occidentales et européennes qui opéraient à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à quelques décennies par après, jusqu'à temps qu'on y a mis fin, là, qui faisaient des actes de terrorisme qu'on blâmait sur les communistes, qu'on blâmait sur toutes sortes de groupes comme ça qu'on ne voulait pas voir au pouvoir, ainsi de suite. On faisait exploser des autobus remplis d'enfants pour traumatiser la population, et puis après ça, on blâmait ça sur les communistes. Alors évidemment que la droite, après ça, avait remporté le pouvoir. Et puis, Peter Del Scott fait un parallèle avec ce qui s'est passé... avec Anders Behring Breivik qui a tué 70 personnes en Norvège en juillet dernier. Et puis, ces fameux réseaux des services secrets, parce qu'évidemment que c'est entaché d'empreintes d'Israël là-dedans, ça c'est évident, là, du Mossad. Breivik qui était extrêmement pro-sioniste et anti-musulman. Alors, vous voyez un peu là sa mentalité. Alors, dans cet article-là, on parle de comment... toutes ces connexions, la façon d'opérer, ainsi de suite, la façon que les attaques de Breivik se sont produites, eh bien, on a tous les signes, là, évidemment, d'une très haute organisation, un fignolage parfait. Le gars, il était armé comme personne d'autre, il était dirigé avec des informations, des inside information, alors, un dossier fort intéressant à aller voir. Vous avez le terroriste de la Norvège qui a invoqué, d'ailleurs, même la doctrine de Bush, et a déclaré que ces attaques qui ont mené à la mort de 70 jeunes adolescents étaient un acte d'autodéfense préventive. Ah ouais, alors voyez un peu là la mentalité de ce personnage, OK? Donc quand même assez particulier. Donc, vous allez voir ça. Plusieurs nouvelles aussi par rapport au réchauffement climatique, en fait, qui est un refroidissement climatique. On apprend ici que plusieurs glaciers sont en train de grandir. Alors, on parle ici des glaciers dans le Karakoram Range qui ont augmenté de 0,11 à 0,22 mètres de glace par année entre 1999 et 2008. Alors, vous voyez des glaciers qui sont en expansion dans plusieurs régions du monde. On a des prédicteurs climatologistes qui nous disent que le mois de mai devrait être le plus froid depuis 100 ans. Des astronautes qui condamnent la NASA d'avoir endossé la théorie du réchauffement climatique causé par le CO2. Alors, vous voyez, les glaciers en Himalaya qui aussi ont tendance à grandir, en fait, ne montrent aucun signe de diminution. Ensuite, un autre article ici qui parle des taches solaires. Alors, c'est la NASA qui on a revisé à la NASA le nombre de taches solaires qui devraient se passer durant le prochain cycle et ils l'ont revisé à la baisse, ce qui devrait signifier un climat plus froid dans les prochaines années. Alors, plusieurs articles qui vont dans ce sens-là. Puis ici, il est important encore là de tout le temps démonter l'intention derrière ces, si vous voulez, ces faux mouvements-là, ces hystéries totales, c'est évidemment qu'on a des plans. Alors, c'est tout le temps le principe de problème, réaction, solution. On crée un faux problème qui va générer une réaction, puis là, on arrive avec une réaction qui est, en fait, une solution qui était déjà préparée d'avance. Alors, on a créé un problème qui était pour amener ce type de solution-là qui, finalement, répond aux intérêts, à l'agenda de l'élite internationale. Alors, on a un plan au niveau même des Nations Unies pour le monde, c'est-à-dire de taxer le carbone de façon globale, quoique ça va pas très bien de ce temps-là pour y arriver. Et puis, on veut mettre en place une économie verte mondiale qui va être dirigée par les Nations Unies ou un autre corps mondial qui va avoir autorité, qui va transcender la souveraineté nationale de tous les pays du monde. Okay? Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on essaie d'infiltrer, d'instaurer cette gouvernance mondiale. Et puis après ça, ben, un coup qu'on va avoir un pouvoir qui va être plus grand, qui va dépasser celui des nations au niveau autant environnemental, économique que militaire, comme on a parlé de l'OTAN au début de l'émission, ben c'est là qu'on va se retrouver devant une gouvernance mondiale sans même qu'on s'en ait rendu compte que c'était en train de s'implémenter. Alors, un fort important article ici qui vous parle de ces plans des Nations Unies qui veulent gérer le monde. Et puis, ce plan-là est même public, développement durable, alors qui sonne évidemment très bien à l'oreille, mais qui cache, en fait, un plan important de gérer à peu près toute forme d'activité humaine. Alors, vous avez un document, un rapport de 204 pages qui est disponible. Vous avez le lien disponible dans l'article. Et puis, vous allez apprendre dans ce fameux document-là. Vous avez un document qui s'appelle « Working towards a balanced and inclusive green economy ». Alors, c'est une perspective, un système des Nations Unies qui a été publié en avance du sommet de Rio plus 20 des Nations Unies, une conférence qui se tenir à Rio de Janeiro. Et puis, on va mettre ça sur la table et dire, écoutez, ben tout est déjà prêt, tout est là, voyez. On a un programme qui découle du sommet de la Terre de 1992, un programme qu'on avait mis en place qui s'appelait Agenda 21 et qui parlait de développement durable, mais qui en fait cachait un agenda de gouvernance mondiale à travers une création d'une situation supposément dramatique, qui en fait n'en est pas une, mais une crise globale, mondiale, pour faire peur à la planète entière, pour qu'elle réclame quelle solution, mais qu'elle réclame un organisme mondial qui a une puissance qui transcende, comme je disais, la souveraineté des nations pour prendre des supposées décisions bonnes pour la planète, mais qui en réalité va tout simplement concentrer le pouvoir à l'intérieur des mains de quelques gérants, de l'élite mondiale sur laquelle on n'a aucun pouvoir démocratique. Donc, un article fort intéressant ici où on parle justement de ces documents officiels que vous pouvez consulter. Alors, il n'y a aucune conspiration, aucune théorie ici, c'est-à-dire de conspiration. C'est ouvert, c'est complètement sur la table, c'est public et puis c'est là. Il vous reste juste à aller mettre la main dessus puis le lire vous-même. Donc, vous avez d'ailleurs même des États comme au Tennessee, aux États-Unis, qui ont rejeté l'agenda 21. Alors, c'est pas des histoires. Vous avez des États déjà qui constatent ça, qui regardent ça, puis ils se rendent compte que, hey, mon Dieu, ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, on parle ici de donner le pouvoir des entités non démocratiques internationales. Je veux dire, imaginez, là, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose des questions, n'est-ce pas? Vous avez la Caroline du Sud, elle, qui a bougé pour implémenter les lignes guides de l'agenda 21. Alors, vous voyez, on est en train de décider d'un État à l'autre, dans différents pays aussi, d'implémenter cet agenda. Donc, des articles fort intéressants. Le Vermont qui devient le premier État aux États-Unis pour appeler un amendement d'amender la Constitution pour enlever les corporations de la Constitution. Alors, vous savez que les corporations, les compagnies privées jouissent du droit de la personne corporative, qui donne le droit, en fait, qui donne aux corporations des droits constitutionnels, qui sont en réalité, ils devraient être en place juste pour protéger les personnes, en fait, les humains, les personnes en chair et en os, OK? Et non les corporations, les entités fictives. All right? Alors, on avait un autre sujet fort intéressant aussi à suivre, c'est cette histoire de BP, le déversement de pétrole dans le golfe du Mexique qui s'est produit il y a 2 ans. Et vous avez plusieurs articles qui parlent de cette situation qui continue de se détériorer dans le golfe du Mexique. Alors, c'est pas parce qu'on n'en parle plus dans les médias que cette histoire-là est terminée aussi. C'est comme Fukushima, hein? On nommait, des fois on peut mentir carrément dans les médias, des fois on peut... Si vous voulez mentir en omettant des informations, c'est-à-dire en n'en parlant pas, comme si la situation n'existait pas, et puis comme sortir cette information-là de votre paysage mental, de votre conscience, et puis en ce faisant, eh ben, on fait comme en sorte que dans votre réalité, dans la réalité de la population, ces dossiers-là n'existent pas, n'existent plus. Alors que vous avez plusieurs articles ici qui parlent de l'écosystème du golfe du Mexique qui est décimé. L'écosystème qui en mange une méchante volée. Vous avez des dauphins qui sont exposés à du pétrole qui sont très sérieusement malades. On a retrouvé des crevettes qui sont déformées, sans yeux. Vous avez du poisson qui est malade 2 ans après sur le site de BP, alors qu'ils sont vraiment intoxiqués. Alors, plusieurs articles qui vont dans ce sens-là. Vous avez aussi des courants océaniques. Vous avez une vidéo de ça, vous allez voir là. Et il se trouve à... Vous savez, c'est une visualisation scientifique là, de la NASA, du Goddard Space Flight Center, qui a créé une animation des mouvements océaniques là, perpétuels sur la côte est américaine. Alors, vous pouvez aller voir ça. Et puis, vous allez voir aussi, justement, le courant qui sort du golfe du Mexique, qui transporte le pétrole puis le Corexit du site du Deepwater Horizon, et qui prend tous ces éléments toxiques-là et puis les apporte jusque aux endroits, en fait, dans l'Atlantique, l'océan Atlantique, où on pêche. Hein? Vous avez la pêche commerciale, et puis après ça, ça veut dire que ces produits-là vont se retrouver dans les assiettes des gens. Hein? C'est vraiment fantastique. Donc, assez particulier. Vous avez un autre article qui parle ici du Corexit, qui était ce fameux dispersant de pétrole que BP avait utilisé, qui est plus toxique que le pétrole même, et qui se trouve à être absorbé par la peau des gens qui vont se coucher sur la plage, et ainsi de suite. Alors, excellent, c'est vraiment bon pour tout le monde, hein? C'est super. Alors, plusieurs articles, alors des scientifiques qui parlent des dommages qui ont été causés par cet événement-là du Deepwater Horizon, il y a plus de 2 ans. Des problèmes de la santé avec les gens qui habitent autour du golfe du Mexique. Alors, d'autres articles ici qui parlent des tremblements de terre qui continuent au Chili, un peu partout. Vous avez un volcan, le Popocatépetl, au Mexique, qui est en train de se réveiller. Ça continue de brasser à travers la planète, là, réellement. Là, il y a plusieurs tremblements de terre là, qui se produisent à travers la planète, très sérieux. Bon, on va y aller pour le dernier bloc. On va y aller avec de quoi d'assez solide, là. J'avais encore plusieurs informations au niveau de la santé à vous passer. Ça fait changement un peu du reste, là, d'avoir des nouvelles de ce domaine-là. Et puis, bon, on va parler d'économie après. Donc, on va avoir plus de temps cette semaine, finalement, pour le faire. Alors, santé, bon, vous avez plusieurs articles fort intéressants encore là à aller découvrir. Est-ce qu'on peut continuer de justifier d'injecter de l'aluminium dans les enfants, aux enfants? Alors, c'est un nouveau rapport qui a été publié par le Journal of Trace Elements in Medicine and Biology qui soulève la question troublante de la possibilité que l'aluminium hydroxyde, qui se trouve être un adjuvant dominant, qui est fait en fait de façon principale, qui est basé sur un métal, qui est l'aluminium, qui est utilisé dans les vaccins d'aujourd'hui. Est-ce que ceci peut mener ou contribuer à des maladies comme la fatigue chronique, macrophagique? Vous avez différents troubles de santé comme ça qui sont causés par l'aluminium. Okay? Donc, vous avez différents articles là, qui vont parler encore de la vaccination. Là, j'en avais parlé aussi dans les émissions précédentes. Vous avez toute une situation aussi qui est en train de faire surface encore aux États-Unis. On a beau tester que très peu de bétail, parce qu'on essaie de tester le moins de bétail possible aux États-Unis. Là, on veut vraiment s'assurer qu'on sait pas ce qui se passe dans la viande de consommation publique. Alors, malgré tout, on a quand même détecté dans une vache la maladie de la vache folle. Hein? Donc là, c'est en train de soulever tout un tollé aux États-Unis. Vous avez l'Indonésie qui a banni les importations de bœuf américain suivant l'émission de cette nouvelle. Vous avez CNN et puis la USDA qui a conduit le public à comprendre, en fait, qui a conduit le public à avoir des mauvaises informations par rapport à la sécurité. Suite à ces cas de vaches folles qui ont été confirmés, ok. Alors, vous avez des segments, par exemple, de CNN. Après ça, on se demandera, comme en début d'émission, j'ai expliqué à CNN qui a perdu 50% de son éditorial, là. Vous allez comprendre pourquoi, là. Dans un segment récent de CNN, on annonçait la découverte d'un cas de, justement, l'encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, dans une vache de production laitière en Californie. Et puis, tentative délibérée de mal informer, de tromper le public à propos, justement, de ces risques par rapport à la santé. Alors, citant la USDA puis CNN qui rapportait que la vache n'a jamais été présentée à l'abattage pour consommation humaine. Hein? Alors, on disait que la vache n'avait jamais été présentée à l'abattoir et puis que le lait ne peut pas transmettre la maladie de la vache folle. Eh bien, on a trompé les gens parce qu'en réalité, c'était une vache de production laitière. Alors, le fait de dire que la vache n'avait pas été présentée à l'abattoir est en fait une tentative délibérée de semer la confusion dans l'esprit public, ok, parce qu'en fait, ça n'a aucun rapport de dire que la vache n'avait pas été présentée à l'abattoir. La vache n'était pas censée d'être présentée à l'abattoir anyway, elle n'était pas destinée à être consommée pour sa viande, mais elle était là pour produire du lait, ok. Puis deuxièmement, ben vous savez que la maladie de la vache folle, puis la contrepartie, la variante humaine qui se trouve être la maladie de, puis là, j'espère que je le prononce bien, là, Creutzfeldt-Jakob, est une maladie qui est basée, en fait, qui est une maladie prion. Hein? Alors, les études scientifiques ont démontré que cette maladie peut réellement se transmettre d'animal à animal via la consommation de lait. Donc, fausse information, encore là, qui est rapportée par les médias. Alors, vous avez une variante rare de la maladie de la vache folle qui a été découverte en Californie. Et puis, c'est un seulement sur plusieurs cas mystérieux qui ont été découverts durant le courant de l'année. Alors, très important comme nouvelle. Et puis, imaginez ce qui va se passer. Premièrement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a tué la vache, on l'a éliminée, puis après ça, on n'a pas testé les autres vaches qui étaient avec. Hein? On n'a pas testé le reste du bétail qui se trouvait là. Déjà, une affaire assez particulière. Vous avez les vendeurs en Corée du Sud qui ont suspendu les ventes de bœuf américain, états-unien, par rapport à ces nouvelles de maladie de la vache folle. On a d'ailleurs, après ça, ici au Canada, annoncé, imaginez-vous donc, qu'on a suspendu, justement, on a mis fin à cette interdiction d'importation de bœuf américain ici au Canada. Pow! Fait qu'on vient d'apprendre que là, on a encore des cas de maladie de vache folle aux États-Unis. Puis ici au Canada, bon, on vient de lever les interdictions, c'est-à-dire qu'on va recommencer à importer le bœuf américain. C'est fantastique, continue à manger de la viande. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, d'autres nouvelles ici, des jeunes singes, des singes enfants ont reçu des doses de vaccins standard. Et puis, se sont mis à développer des symptômes d'autisme. Alors, des nouvelles études qui ont été publiées. Alors, ça aussi par l'American Academy of Pediatrics. Alors, vous voyez des gens de l'Université de Pittsburgh. Alors, on trouvait ça. Après ça, on essaie de dire que les vaccins n'ont aucun lien avec l'autisme. Mais non, on injecte de l'aluminium, on injecte des adjuvants comme le scalène, ok, qui commence à créer des réactions violentes du système immunitaire qui commence à se combattre lui-même, alors que le système immunitaire commence à combattre le corps lui-même. On injecte toutes sortes de produits comme le thimérosal, qui est un dérivé du mercure. Et par rapport à ça, on se demande pourquoi que les enfants et puis les gens ont toutes sortes de réactions. Hein? Alors, des articles comme ça. D'autres articles sur l'aspartame aussi, qui, quand il est digéré, vous avez des sous-produits qui sont développés comme le méthanol, qui peut avoir des liens avec l'autisme, et puis des enfants qui sont prématurés, qui sont nés prématurés. Alors, d'autres nouvelles à aller découvrir dans ce sens-là. Il faut faire aussi attention parce que vous avez de plus en plus de l'industrie de la nourriture biologique, organique, qui sont de plus en plus achetées par des méga-corporations comme Coca-Cola. Alors, qui après ça se disent comme étant des compagnies qui sont consciencieuses, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est qu'on vous vend des produits sur lesquels on met des belles étiquettes comme naturel, céréales naturelles, blablabla. Puis en réalité, chers amis, plusieurs de ces produits ne contiennent aucun produit réellement biologique ou quoi que ce soit. Donc, une autre fraude. On essaie de se dorer d'une belle image en achetant ces compagnies de nourriture biologique. Et puis, après ça, ben on réussit à semer la confusion dans la tête des gens. Alors, une mère ici qui a gagné un prix environnemental pour avoir battu Monsanto là, au niveau judiciaire, elle a connu une expérience assez traumatisante avec la mort de sa petite fille qui est décédée en fait d'un problème au rein. Et puis, elle se demandait ce qui se passait à une dame qui habite en Argentine. Et puis là, elle a cherché pourquoi, ce qui a pu tuer sa fille, en fait, ce qui a pu causer ce problème grave au rein. Et puis, elle en est venue à la conclusion que la maison était, en fait, entourée de champs dans lesquels on utilisait des insecticides de Monsanto. Et puis, vous avez parlé souvent de Monsanto dans ces dernières semaines, leurs produits qui contiennent des agents qui peuvent affecter même jusqu'à l'ADN des êtres humains et puis des animaux. Alors, elle s'est trouvée au centre d'une recherche qui l'a menée dans une direction assez troublante, c'est-à-dire qu'elle a trouvé que, d'ailleurs, dans la petite ville où elle habite, elle a trouvé un nombre astronomique de femmes qui ont fait des fausses couches ou qui ont mis au monde des enfants qui ont des malformations, des maladies respiratoires ou ben non, tout simplement de mortalité infantile, des taux assez astronomiques comparés aux taux des villes, des moyennes des villes environnantes. Alors, et puis elle a décidé de mener une campagne, même judiciaire, traînant en cours Monsanto, et puis elle a gagné. Alors imaginez. Donc, c'est quand même assez incroyable, là. Vous savez, dans sa petite ville où elle habitait, on avait des taux de cancer qui étaient 41 fois plus élevés que la moyenne nationale. Pensez à ça deux secondes. Et un autre article fort intéressant ici où on parle des rayons de soleil, en fait, le soleil, puis vous avez les limes qui peuvent naturellement purifier l'eau, alors qui pourrait être une solution globale à la crise de l'eau mondiale. Alors, allez voir ça, un article intéressant. On parle ici encore de la toxicité du méthanol qui provient de l'aspartame, qui pourrait aussi causer d'autres problèmes. Vous avez des chercheurs, des grosses compagnies pharmaceutiques qui ont caché ou ignoré des mauvais résultats d'essais médicaux. Alors, quand on veut développer des nouveaux produits pharmaceutiques, eh bien, il faut les essayer. Et puis, quand ces gens arrivent à des résultats qui ne leur plaisent pas, bien souvent, on les cache, on les ignore. Alors, vous avez c'est de ces grosses compagnies pharmaceutiques qui sont tenues, qui sont accusés, si vous voulez, là, en cours de justice. Et puis, vous avez justement des procédures comme ça pour corruption, et ainsi de suite. Big Pharma qui reçoit un retour, en fait, de 77 500% sur les investissements en lobbying. Alors, vous comprenez pourquoi maintenant ces compagnies-là du Big Pharma dépensent autant d'argent en lobbying, hein, pour tout le temps avoir plus de pouvoir et puis augmenter les prix, et ainsi de suite. Une autre nouvelle qui parle d'une augmentation de 70% dans les taux d'autisme depuis la dernière décennie, qui coïncide avec les nouvelles cédules de vaccination aux États-Unis. Alors qu'on apprend que aux États-Unis, les enfants, écoutez, sont de plus en plus malades, développent des cas d'autisme, et ainsi de suite, assez faramineux, là. Donc, les antidépresseurs qui pourraient causer des maladies du cœur, des arrêts cardiaques, des dommages au cerveau et puis aux os. Alors, ça aussi, là, les antidépresseurs, c'est tout un dossier. Les antidépresseurs et puis des mutations, on parle du CYP450. C'est un gène qui pourrait causer des maladies assez répandues. Alors, c'est assez incroyable, ça aussi, là, des nouvelles. Écoutez, on est en train de découvrir des évidences assez importantes, là, que la le fait de combiner des antidépresseurs et puis la mutation dans le gène CYP450 pourrait être responsable pour plusieurs maladies comme des épisodes violents, des surdoses, suicides et puis mortalité. Alors, les antidépresseurs qui sont loin d'être une réussite, là, moi je vais vous dire bien franchement, là. Ensuite, on a découvert, des recherches indépendantes ont découvert, identifié des agents chimiques qui causent le cancer dans des produits qu'on utilise là pour envelopper la nourriture, et ainsi de suite. Alors, on parle de produits qui sont développés par DuPont et d'autres compagnies. Alors, on parle ici du perfluoro-octanoïque acide. Alors, vous savez, ça contient encore là, vous voyez là, fluoro, là, ça c'est des fluorures. Donc, on sait que les fluorures sont vraiment toxiques. Alors, évidemment, la vitamine D qui pourrait avoir plusieurs effets pour aider à la santé. Ok. La vitamine C qui aurait d'ailleurs guéri la polio durant les épidémies de 1948-1949. On parle ici de cancer aussi, de cure naturelle pour le cancer, de vitamine B17. Je vous en parlais dans une émission précédente. Un homme qui s'est guéri lui-même, qui a été, après ça, emprisonné. Alors, on ne veut pas entendre parler de ces cures pour le cancer qui ne coûtent pas cher, parce qu'évidemment, Big Pharma ne peut pas les breveter et les vendre à un prix exorbitant à la population. Alors, ça aussi, j'en parlais dans les émissions précédentes. Je vais tout vous mettre ça en lien cette semaine. Et puis, vous avez aussi des cancers qui sont tués par le cannabis. Alors, vous avez des chercheurs à la UCLA, des universités, documentaires ici que je vous présente, qui vous montrent qu'on a aussi arrivé à guérir le cancer plusieurs fois dans le passé avec de l'huile de cannabis. OK? Ensuite, vous avez le fait de consommer un bot de marijuana par jour qui pourrait garder un arrêt cardiaque, qui pourrait prévenir un arrêt cardiaque. Alors, ça aussi, ça peut être assez surprenant qu'on entend ça, là. Mais vous avez encore là des recherches scientifiques qui prouvent le fait que la marijuana, en fait, le cannabis peut avoir des effets très positifs sur la santé, évidemment. Tout dépend là, de la façon qu'on l'administre. Donc, la Pologne qui a annoncé une interdiction complète de l'utilisation du maïs modifié génétiquement de Monsanto. Alors, vous voyez, ça commence à bouger aussi au niveau mondial. Alors, ça, c'est en Pologne. Vous avez un autre cas assez important. Vous avez Bill Gates là, qui s'est mis dans l'industrie des vaccins. Alors lui, il distribue des vaccins à travers la planète entière. Il s'est mis dans la grosse business de la vaccination. Et puis lui, investit dans des vaccins contre la polio, des efforts qui sont déployés en Inde. Et puis là, on a une hausse fulgurante de cas de paralysie chez les sujets qui ont été vaccinés par ces fameux vaccins. Alors, assez incroyable. On a des hausses de 12 fois, hein, alors 12 fois plus de cas de paralysie dans ces campagnes de vaccins contre la polio. Alors, assez incroyable. Donc, ça continue, ainsi de suite. Ici, un cas de maladie zombie assez mystérieuse qui afflige des milliers d'enfants en Ouganda. Alors, est-ce que ceci, encore là, fait partie d'expérimentations de Big Pharma sur des populations non consentantes? Allez savoir, vous avez des situations qui se passent là-bas assez particulières. Vous avez ici une autre épidémie de toux. Alors, des enfants qui développent des toux persistantes après avoir été vaccinés. Alors, ça aussi, ça a été même rapporté par Reuters. Ça se passe en Californie, aux États-Unis. Alors, vous avez des nouvelles, des sources, même le Seattle Times qui en parle. Alors, vous voyez, il y a tout un problème avec ces fameux vaccins-là. Là, vous avez l'histoire noire ici des vaccins contre la polio. Alors, on en parle, là, vous allez voir vraiment ce qui s'est passé avec ça. Vous allez voir que c'est pas reluisant, là, le passé par rapport à ces trucs-là. Cinq éléments de nourriture là, qui peuvent servir comme médecine, qui pourraient sauver votre vie. Alors, on parle de l'ail, le miel, les pommes, les rayons de soleil, et puis des épices aussi, turmeric, là, en fait, le curcuma ou les trucs comme ça. Alors, un article fort intéressant à aller voir. Et puis, d'autres nouvelles sur les abeilles qui pourraient être, la disparition des abeilles, là, qui pourrait être liée avec, justement, ces fameuses OGM. Alors, plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Donc, on parle beaucoup aussi de la vitamine D dans la prévention du cancer. Les taux de vitamine D qui sont insuffisants dans la plupart des adultes, on devrait avoir entre 1000 et 5000 unités de vitamine D par jour pour maintenir un taux suffisant là, pour lutter contre plusieurs conditions de santé. Et puis même jusqu'au cancer. Alors, voilà. Plusieurs nouvelles comme ça qui vont dans le même sens. Il y avait tout d'autres choses. Une nouvelle assez intéressante ici encore là. On dit que les conducteurs sous les effets du cannabis, les conducteurs, et je répète là, les conducteurs sous l'effet du cannabis sont moins dangereux que ceux qui ne fument pas sur la route. Alors, écoutez ça, c'est incroyable. C'est une étude qui vient de forautoinsurancequote.org. Alors, c'est un... écoutez, là, c'est assez spécial. C'est un site Internet pour les assurances pour les voitures. OK? Alors, écoutez, là, c'est une étude d'une compagnie qui fournit des services d'assurance pour les conducteurs. Alors, ils ont fait référence à une étude qui a été conduite par la U.S. National Highway Transportation Safety Administration aux États-Unis, qui ont trouvé que les gens qui sont sous les effets du cannabis en conduisant conduisent plus lentement que les autres et sont donc plus prudents. Alors, imaginez, c'est assez incroyable, là. Évidemment que là, vous avez un paquet de personnes qui se sont insurgées contre ça, puis je suis pas en train d'encourager les gens qui conduisent sous les effets du cannabis, loin de là, là. Mais vous comprenez que c'est des choses quand même assez intéressantes à considérer, OK? Donc, voilà. Donc, plusieurs autres nouvelles que je vais vous laisser aller consulter par vous-même. Il y a des articles assez intéressants ici où on parle... De panneaux solaires qui ont été développés en Espagne qui fonctionnent même durant la nuit. Des percées au niveau scientifique, au niveau de la fusion plasmique là, nucléaire. Alors, on est en train de découvrir des nouvelles façons de produire de l'énergie de façon massive. Alors, peut-être qu'on va trouver une nouvelle façon de produire encore là de l'énergie de façon suffisante pour toute l'humanité. L'énergie très propre et gratuite. Alors, plusieurs nouvelles par rapport à ça aussi. Et puis, dernière nouvelle surprenante, encore là, on a trouvé de la vie sur la planète Mars. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Allez voir un article qui parle de ça. Et les scientifiques ont essayé de construire un cerveau humain, aussi un super ordinateur qui va simuler l'esprit humain. Alors, on se dirige vers quoi, je sais pas trop, là. D'autres scientifiques qui ont réussi à créer des cellules qui ressemblent à des cellules vivantes, mais à partir de du métal. Alors, je sais pas trop dans quelle direction on s'en va avec ça, là, mais réellement, c'est assez spécial. Donc, on va maintenant parler d'économie, puis on va terminer l'émission avec ça cette semaine. Écoutez, l'économie, j'en ai des pages, là. Des pages de nouvelles, là, ici j'ai 421 pages. Évidemment que j'aurais pas le temps de parler de tout ça. Le point est que, avant même que je commence, là, au niveau de l'économie, vous devez comprendre deux, trois petits principes fondamentaux là, qui vont guider pas mal tout ce qui va se passer au niveau économique à la face de la planète dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Et puis ces principes qui vont finalement éclairer vos lumières pour comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie? Il n'y a rien là de gratuit dans ce qui se passe en ce moment. On assiste à un appauvrissement volontaire de la classe moyenne à travers la planète, qui se fait sentir assez violemment en Europe et puis en Amérique de ces temps-ci. On est en train de faire disparaître la classe moyenne, en train de la faire glisser vers le fond, alors que le 1% des plus riches, en fait, même si c'est pas le 0,1%, eux autres augmentent leur richesse. Alors, écoutez, c'est assez incroyable, là. Vous avez cette classe de riches au niveau du monde, de super milliardaires qui ont augmenté leur richesse d'environ 20% depuis les années 80. Et puis le reste, les 80% de la population mondiale les plus pauvres, eux ont vu leur situation financière se dégrader de 20% depuis la même période, depuis les années 80. Alors, en d'autres mots, vous avez la part de la richesse qui est possédée par le top 1% a augmenté, s'est consolidé, alors sur le dos du reste de la population. Vous savez, les riches deviennent de plus en plus riches et puis les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est une expression qui prend toute sa dimension en ce moment. Est-ce qu'il est temps de sortir de nos pays? Vous avez des articles ici de plus en plus qui sont publiés pour décrire un peu ce qui se passe aux États-Unis. On est en train de se demander si les Américains ne devraient tout simplement pas en profiter encore qu'il n'est pas trop tard là, pour quitter les États-Unis. Et puis effectivement, la question se pose parce que ce qui est en train de se dérouler aux États-Unis est loin d'être encourageant. Là. Vous avez vu un peu depuis les dernières semaines, puis encore aujourd'hui, à quel point le gouvernement se prépare à un soulèvement social important aux États-Unis et se prépare de façon assez brutale. Vous avez vu tout l'appareil policier qui est de plus en plus militarisé. On leur fournit même... des chars blindés, des bazookas, des grenades, des toutes sortes d'armements hautement spécialisés. On achète des munitions, on se prépare avec des drills, des exercices autant policiers que militaires, ainsi de suite. Puis là, on assiste même de plus en plus à une privatisation des corps de police. Oui, vous avez bien entendu. La police corporative, c'est assez incroyable. Ça se passe même... Ça se passe ici au Canada, ça se passe en Angleterre, ça se passe aux États-Unis. Vous avez, par exemple, ici aux États-Unis, la police de Lincolnshire qui maintenant porte le logo de leur boss corporatif, alors que le gouvernement coupe dans les forces policières, coupe dans les budgets, et puis on force la privatisation de ces corps policiers. Alors, vous allez voir plusieurs articles plusieurs informations dans cet article-là où on vous montre, on vous décrit comment que de plus en plus la police maintenant se fait financer sponsorisée par des compagnies privées. Et essayez de comprendre ça. Pendant ce temps-là, vous avez Michelle Obama, elle, qui voyage à travers le monde. Elle s'est payé un voyage en Espagne, un voyage qui a coûté plus de 467 000 $. Alors, on demande pendant ce temps-là aux Américains de se serrer la ceinture. On parle de mesures d'austérité pendant que ces gens-là, eux, dépensent leur argent de façon complètement éhontée. Les grosses corporations comme Walmart qui se font pogner tout le temps, la main dans le sac, encore là, la liste des crimes de Walmart qui s'agrandit. Alors là, on a découvert une campagne de pots de vin au Mexique. Alors, Walmart là qui a payé beaucoup d'argent de corruption, de pots de vin, ainsi de suite. Brésil, en Argentine, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chili, au Porto Rico. On se demande pourquoi ces compagnies-là prennent l'expansion, arrivent à s'implanter partout dans les pays. Ben, écoutez, chers amis, il n'y a pas de recette magique, là. C'est toutes les méga corporations, bien souvent, dans la plupart des cas, ont commis des actes illégaux comme ça pour pouvoir s'instaurer, s'implanter dans ces pays de façon aussi pervasive. Alors, pendant ce temps-là, on apprend que vous avez, ça s'est rapporté par Reuters, là, imaginez, à travers le pays aux États-Unis, vous avez plus de 2700 compagnies qui collectent des impôts pour le gouvernement, collectent les impôts de centaines de milliers de travailleurs, et puis après ça, ils gardent cet argent avec l'approbation des États. Alors, vous avez les États qui attirent ces compagnies-là dans leur État, et puis on leur promet des subventions, on leur promet des congés de taxes et d'impôts, ainsi de suite. Alors, vous avez des grosses compagnies comme General Electric, Goldman Sachs, Procter & Gamble, Chrysler, Ford, General Motors, ainsi de suite. Des compagnies étrangères comme Electrolux, Nissan, Toyota, qui reçoivent des congés de taxes comme ça. Donc, ils reçoivent le droit de l'État de collecter des impôts directement de leurs employés puis de garder cet argent-là. Alors, on parle ici de socialisme corporatif. Pas plus compliqué que ça. Alors, on parle de milliards de dollars comme ça, 5,5 milliards de dollars qui ont été détournés des fonds publics comme ça vers les poches de corporations privées. Et puis après ça, bon, on dit que, hey, on a un manque à gagner. Il va falloir que les étudiants payent leur juste part. Hein? Vous voyez un peu le raisonnement ici, là. Donc, la peur qui retourne à la zone européenne, rapportée par le journal The Independent. Alors, évidemment que l'économie européenne prend des tournures assez sombres depuis les dernières semaines. Alors, les stock markets qui continuent de plonger dans la plupart du temps, suite aux nouvelles de plus en plus dévastatrices dans la plupart des pays de la zone européenne. Vous avez le gouvernement roumain qui est tombé dans un vote de non confiance, alors par rapport à un programme encore là de mesures d'austérité très mordantes, dans des aussi scandales de corruption, ainsi de suite. Vous avez en Espagne un taux de chômage de 24%, alors des gens qui n'ont pas d'emploi, un des pires taux en Europe. Alors vous voyez des chiffres qui continuent de s'accumuler, là. Vous voyez plusieurs nations, dont particulièrement l'Espagne et l'Italie, là, qui sont en train de crouler sous le poids des dettes et puis d'une économie complètement défaillante. Donc, on voit des nouvelles statistiques, là, qui sortent de l'Espagne où on parle du pays qui perd plus de 30 000 emplois par semaine. On a coupé d'ailleurs sa note. Alors, sur sa dette, alors vous avez des notations qu'on donne. Alors, ça aussi, là, ça fait pas rien pour aider la situation. Vous avez l'économie hollandaise qui est en train aussi de manger une volée. Vous avez le gouvernement hollandais qui est en train de s'effondrer aussi. Alors, vous avez la Standard & Poor's qui a baissé, comme je vous disais, les taux de notation de l'Espagne. Alors, on est passé de A à BBB+, alors triple B plus, positif. Alors, voyez, on est en train de continuer de s'effondrer là-bas. Une vidéo fort intéressante ici d'une jeune Canadienne de 12 ans, une petite fillette qui explique dans le fond comment le système bancaire canadien fonctionne, comment il est complètement corrompu. Alors, imaginez, c'est une petite fillette de 12 ans capable de l'expliquer. Puis, je vous dis, la vidéo est vraiment fantastique, là, étant en anglais, là, mais ça vaut la peine de voir comment la petite fille, elle explique ça. C'est absolument fantastique. Alors, si une petite fillette de 12 ans est capable d'expliquer comment le système bancaire canadien est complètement perverti par la corruption, et ainsi de suite, ben je crois que tous les adultes sont capables de comprendre, n'est-ce pas? Vous avez l'inflation sur la nourriture qui continue d'augmenter. Alors, ça aussi, là, c'est assez inquiétant. Vous avez les prix à la consommation dans 17 nations en Europe qui partagent cette augmentation de plus de 2,6% en mars par rapport au prix de l'année passée. Sur l'augmentation des prix de la nourriture. Alors, ça aussi, là, ça fait mal. Alors, on suggère aux gens, évidemment, de cultiver un jardin. Alors, je pense que c'est le temps de partir des jardins. ensuite, on parle ici du niveau de vie aux États-Unis qui a tombé de plus de 50% selon les gens là-bas aux États-Unis. Alors, Vous voyez que ça continue de descendre. Les ventes des maisons qui baissent de 7% en mars aux États-Unis. Le plus grand déclin depuis un an. Les prix aussi des maisons qui est en déclin. On parle aussi depuis le premier temps, depuis la dépression, plus de Mexicains quittent les États-Unis qu'il n'en vient. Alors, vous avez un flot assez important d'immigrants illégaux mexicains qui traversaient la frontière américano-mexicaine pour venir travailler illégalement aux États-Unis. Mais là, ces gens-là s'en tournent au Mexique parce que les conditions économiques aux États-Unis sont trop terribles. Imaginez, c'est assez incroyable, là. Alors, des chiffres qui viennent du Pew Hispanic Center. Alors, vous avez des chiffres là, officiels ici. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent d'envoyer des milliards de dollars à Israël. Ici, c'est 115 milliards de dollars qu'on parle des nouvelles données qui ont été compilées, qui montrent que Washington a donné plus de 115 milliards de dollars en aide financière à Israël au travers des années, indiquant que Tel Aviv est grandement dépendant des États-Unis. Donc ça, c'est une donnée fort intéressante à voir alors qu'on parle de mesures d'austérité aux États-Unis. Israël qui demande aux États-Unis d'ailleurs une autre enveloppe de 700 millions de dollars en aide militaire. Alors ça continue. Alors, imaginez, on n'a pas d'argent pour les Américains qui meurent de faim dans les rues, mais on a des milliards de dollars pour Israël, des centaines de millions, c'est pas des milliards de dollars. 22 drapeaux rouges qui indiquent qu'on a évidemment une crise financière globale qui s'en vient sur les marchés financiers. Alors, ça aussi, c'est fort intéressant à consulter. 22 indices, là. Écoutez, c'est assez incroyable. Le prix des maisons aux États-Unis qui tombe depuis 6 mois d'affilée et sont maintenant à la baisse de 35% depuis le pic du marché domiciliaire aux États-Unis. Alors, ça aussi, là, vous avez une multitude là comme ça de nouvelles pas très encourageantes, là, disons. Là. Mais ça fait partie, comme je vous disais en début d'émission là, par rapport à l'économie, que c'est ça, ça fait partie des principes là, de ce qui se passe. On est en train de faire crasher l'économie mondiale. On est en train de la faire s'effondrer parce que d'une certaine façon, il y a déjà trop de dettes là, qui est dans le système, donc on doit purger cette dette-là, mais ce faisant, les fameux banquiers, les financiers qui ont passé de l'argent fictif et qui n'existait pas à l'origine, à ce moment-là, eux récupèrent des vrais biens physiques qui existent, des maisons, des terrains, des pays en entier. Alors, là, vous avez l'économie grecque qui devrait s'effondrer d'un autre 5% cette année, selon ce qu'on projette. Et puis là, ben, vous en avez une quantité comme ça, là, je veux dire, de nouvelles assez inquiétantes. Là. Vous allez voir là, qu'on s'en va pas vers du mieux là, au niveau de l'économie. Là. On va faire s'effondrer l'économie. Pendant ce temps-là, les banques centrales qui sont contrôlées par les banquiers privés, parce qu'il faut répéter encore une fois que les banques centrales n'est pas le problème, c'est le fait que ces banques centrales-là ne sont plus contrôlées par la population, mais bien par des intérêts privés, des banquiers privés, qui les utilisent pour instaurer leur système monétaire basé sur la dette, un système qui entraîne finalement l'esclavagisme de la population en entier. Eh bien, ces gens-là vont faire en sorte que le système va s'effondrer, puis après ça, hein, problème, réaction, solution. Les gens vont réclamer une solution parce qu'on va être écœuré d'être dans la misère économique, de manger du sable puis de la terre. Ben là, on va réclamer une solution, puis ces gens-là vont avec une solution déjà préfabriquée depuis des années. C'est une banque mondiale, un système financier mondial qui est contrôlé par ces mêmes gens qui sont en train de vous ruiner, vous jeter à la rue. Vous comprenez? C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que là, si vous pensez qu'il y a moyen de rattraper ce système-là, de le corriger, oubliez ça. Je veux dire, c'est un système qui est voué à l'échec dès le départ. Okay? C'est un système en pyramide de Ponzi. Alors, vous allez trouver, écoutez, une panoplie d'articles qui vont tous dans ce sens-là. Quoi. Vous allez voir l'effritement, l'effondrement du système financier. Mais vous devez comprendre que, en grande partie, c'est de fait de façon volontaire. C'est-à-dire qu'on est en train de consolider d'augmenter la richesse de cette élite qu'on combat, qui nous combat en réalité, qui nous mène une guerre ouverte, une guerre économique, beaucoup plus probablement beaucoup plus dommageable qu'une vraie guerre avec des soldats. Je veux dire, au moins tu sais à qui t'as affaire, mais là, ces gens-là vous arrivent dans le dos puis vous plantent des couteaux carrément dans le dos. Toutes les nouvelles vont dans ce sens-là. Vous allez voir cet écroulement qui est en train de prendre forme sous vos yeux, mais encore là, qui est trop peu rapporté par les médias de masse. alors que vous devriez vous préparer à quelque chose. On vous parle de toutes sortes de sujets débiles, sans intérêt. OK? Alors, vous avez le marché des travailleurs aux États-Unis qui continue de s'écrouler. Alors, de plus en plus de gens qui se retrouvent sur le chômage ou sans emploi ou sans même filet social, quoi que ce soit. Vous avez la SEC qui s'apprête à fermer une agence qui a coupé les notations de crédit des États-Unis, qui s'appelle la Egan-Jones. Alors, vous voyez, on se mène des guerres même. Vous avez des banques criminelles et les agences de notation de crédit qui ont perpétué une fraude et qui ont fait s'écrouler, crasher l'économie globale, qui sont maintenant récompensés comme étant des joueurs honnêtes. Hein? Les joueurs, en fait, les vrais joueurs honnêtes, eux, sont envoyés à l'abattoir. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, là. Alors, un article fort intéressant ici, qui vous parle de ça. Le Bahreïn, des euro-billionnaires et leur party au Grand Prix, je vous en parlais la semaine passée aussi, pendant que les citoyens sont battus puis on leur tire dessus. Alors ça, je vous ai fait un petit topo aussi la semaine passée par rapport à ça. Alors, on parle justement des droits humains en Syrie, en Libye. Pendant ce temps-là, ben vous avez la US Navy Fifth Fleet, alors la cinquième flotte de la US Navy qui est au Bahreïn, hein, qui est dans les ports du Bahreïn, alors qui se retrouve à être une des plusieurs raisons pourquoi le gouvernement ignore les atrocités commises par la monarchie du Bahreïn contre sa propre population. Et puis là, après ça, on se permet de faire des beaux événements comme le Grand Prix au Bahreïn. On présente ça à la population mondiale. C'est fantastique. La valeur des maisons dans la région d'Atlanta aux États-Unis qui ont chuté de 17% ces dernières années. Ça continue aussi à Las Vegas, Chicago, Los Angeles, San Francisco. La Russie et puis le Mexique qui ont tous les deux acheté pour à peu près 1 milliard de dollars d'or dans le mois de mars. Alors, vous voyez que, encore là, les banques centrales de plusieurs pays se préparent à un écroulement assez... assez prononcé de l'économie mondiale, et puis se protège. Alors, vous voyez, c'est pas juste les petits joueurs, là, c'est en fait les plus grands acheteurs de métaux précieux sur les marchés internationaux sont les banques centrales. OK? Donc, si les banques centrales se préparent à ça, ben, c'est peut-être que vous devriez prendre note de cela. OK? Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Donc, vous avez le leadership en Russie puis au Mexique qui comprennent très clairement ce qui est à veille d'arriver. Alors, vous devriez prendre des notes, je vous le dis encore une fois. Goldman Sachs qui paye seulement 4,1 millions de livres sterling de taxes sur plus de 1,9 milliard de dollars de profits rapportés par le Independent. Ça vous donne une idée comment que les gros riches ne payent jamais de taxes ou très peu. Puis pendant ce temps-là, comme ici au Québec, ben là vous avez le gouvernement du Québec qui vous regarde et vous gronde. Oh les méchants, la population, les méchantes personnes qui essaient de sauver de l'argent, de payer des taxes en faisant du travail au noir. Ben oui. Alors, vous avez la BRICS. Se trouvent être des banques qui viennent de la Russie, de la Chine et puis d'autres nations qui sont affiliées avec eux autres, qui se montrent comme étant des nouveaux rivaux à la Banque mondiale et puis le FMI pour challenger la dominance du dollar. Alors ça aussi, ça vient de rentrer dans le paysage économique. Les familles qui vont payer beaucoup plus d'argent pour mettre du pétrole aussi. Vous avez les prix du pétrole qui augmentent. Là, ils se sont stabilisés un peu ces derniers temps, mais quand même, vous allez voir ça. Vous avez plusieurs villes en Grèce qui se sont mises à implémenter des systèmes d'échange à l'extérieur de l'euro. Alors, bonne solution. Ben oui, commencez à faire des échanges. Ne plus utiliser la monnaie le moins possible. Hein? Vous êtes capable de faire ça? Alors que les taux de gens sans emploi en Europe augmentent, ben vous avez le travail infantile, lui, qui augmente aussi, qui fait son retour en Europe. Ben oui. Alors, on utilise de plus en plus d'enfants aussi jeunes que 13 ans pour travailler dans des usines, ainsi de suite. Ah, ça a l'air spécial, ça. Hein? Les taux de gens sans emploi en Europe qui augmentent et puis atteignent des sommets pas atteints depuis 14 ans. Mm-hmm. On a vendu plus d'or, en fait, papier, hein, quand on vend de l'or en papier, des bons. Alors, quand vous achetez des bons, supposément, qui sont échangeables en or, alors on en a vendu... dans un ratio de 100 pour 1, c'est-à-dire on a vendu 100 fois plus de ces bons de métaux précieux qu'il en existe réellement. Ça aussi, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans le passé. Les nouvelles continuent de faire surface par rapport à ça. On est loin d'avoir terminé avec ça. Je vais vous dire bien franchement, là, vous pouvez assister rapidement à une explosion du prix des coûts, en fait, du cours des métaux précieux, autant de l'argent que de l'or. Alors, vous avez, on parle dans une autre nouvelle ici, plus de 25% des maisons reprises de finances à Détroit qui pourraient être maintenant rasées ou qui sont sur une liste de démolition. Alors, imaginez, ça c'est incroyable. Au lieu de voir les maisons perdre la valeur, on va les raser pour protéger l'argent que fait les banques sur les prêts. Alors, c'est évidemment que quand on prête de l'argent pour 100 000 $ plus intérêts, c'est pas mal moins rentable que sur une maison de 300 000 $ plus les intérêts, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, ben, vous avez les fat cat italiens, les politiciens qui eux autres, continuent de vivre dans l'abondance avec leurs gros salaires, ainsi de suite, alors qu'on met en place des mesures d'austérité. Alors, le nouveau premier ministre, Mario Monti, lui a appelé les Italiens à faire des sacrifices, alors que la classe politique et financière, eux autres, vivent comme des gros chats gras. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Les États-Unis qui enregistrent le plus gros déficit de budget du mois de mars de toute son histoire, un déficit de 232 milliards de dollars durant le mois de mars dernier. Assez incroyable. Et oui, alors ça s'ajoute au déficit total jusqu'à date pour l'année de 779 milliards de dollars. Donc, vous voyez, ça continue les marchés financiers qui sont up and down, évidemment. Alors, si vous êtes investi dans les marchés financiers, avant que vous sachiez exactement ce que vous faites et puis que vous profitez des hausses et puis des baisses, là, vous êtes peut-être mieux de vous retirer des marchés financiers, des marchés boursiers, c'est-à-dire. Alors, de plus en plus d'aide alimentaire, autant en Angleterre qu'aux États-Unis. On ouvre une nouvelle soupe populaire chaque semaine. En Angleterre, ok, donc de plus en plus de personnes ont de la misère à manger. Vous avez le FMI qui avertit d'une crise de la dette qui pourrait persister en 2012, se préparer pour un programme de sauvetage de l'Espagne. Ah ouais. Alors, vous avez même jusqu'en Australie le marché domiciliaire qui est en train de s'effondrer. Le FMI qui avertit d'un effondrement de l'euro et puis d'une panique totale qui pourrait envahir les marchés financiers. Alors, Denis Kouchouni qui parle de 90% du pétrole qui est transigé en papier. Alors, c'est-à-dire que lui, il parle que 90% du pétrole qui est transigé dans le monde, c'est pas du vrai pétrole. C'est tout simplement des spéculateurs qui échangent des bons, du papier, tout simplement, et qui poussent à la hausse les prix du pétrole. Alors, c'est vous qui payez pour ça. Fantastique. 25 signes ici répertoriés dans un article que les familles de la classe moyenne sont ciblées pour extinction. Alors, un fort article, un article fort intéressant aussi à explorer. On emprisonne les Américains pour le profit. Alors, on voit la montée du complexe des prisons industrielles. Alors, c'est assez particulier. Oui, vous avez un secteur industriel de l'emprisonnement des prisons aux États-Unis. Alors, on fait des deals avec les États et le gouvernement fédéral. On demande des promesses de garder les prisons remplies de prisonniers. Puis après ça, on privatise ces prisons-là. Hein? Donc, on fait de l'argent avec ça. Puis après ça, vous avez un paquet de multinationales qui utilisent ces prisonniers-là comme du cheap labor. Alors, on paye ces gens-là 10 sous ou 20 sous, 30 sous de l'heure pour fabriquer des téléphones cellulaires, de l'armement, toutes sortes de trucs comme ça. Ben ouais. Alors, c'est fantastique. Les États-Unis qui ont maintenant plus de 1,5 million d'enfants sans abri. Mais pendant ce temps-là, on maintient plus de 1000 bases militaires à travers la planète et on continue de donner des centaines de millions de dollars à Israël. Alors, vous voyez un peu ici la contradiction totale. Et puis là, aux États-Unis, l'État totalitaire est en train de se développer tranquillement, mais sûrement. Là, on est en train de faire en sorte que les gens qui ne payent pas leurs impôts, vous avez l'IRS, là, qui est l'agence de collection d'impôts aux États-Unis, qui est une corporation privée, oui, ça est bien entendu. Eh bien là, on est en train de passer un projet de loi, en fait, qui est en train de passer, là, le projet de loi 1813, qui va faire en sorte que si l'IRS trouve des personnes qui doivent plus de 50 000 $ en impôts, eh bien, eux autres vont pouvoir faire en sorte que ces gens-là ne puissent plus avoir de passeport et puis sortir du pays. Alors, on va les empêcher de voyager. Alors, vous voyez, là, on est en train de prendre conscience que le gouvernement américain est en train de se transformer en une tyrannie. Plusieurs articles comme ça. Vous avez la production de pétrole américain qui est en la hausse, alors que les prix du pétrole devraient baisser. Mais non, continue d'augmenter. Alors, on apprend d'ailleurs que c'est dû, évidemment, à la spéculation, entre autres, sur le pétrole et aussi sur la dévaluation constante du dollar américain. Alors, le dollar américain qui perd énormément de valeur. Alors, vous avez ces deux données-là qui sont, évidemment, intimement interreliées. Alors on dit que du résultat de la spéculation sur le pétrole et puis ainsi de suite, alors on estime que 60% du prix du pétrole, 60% du prix du pétrole, du baril de pétrole est ajouté à cause de cette spéculation. Alors imaginez. On parle d'Armageddon financier qui approche, l'Espagne qui est à veille d'entrer dans un effondrement à pleine échelle, alors à grande échelle, oui, l'Espagne là, qui est en train de s'écrouler. D'ailleurs, on a banni les transactions en argent de plus de 2 500 €. Alors, vous voyez, là, c'est assez particulier, là. C'est en train de prendre forme, là. Donc, des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre le gouvernement tchèque. Alors, vous voyez aussi, là, dans une multitude de pays européens, là, ça va vraiment pas bien avec ces mesures d'austérité dont on veut écraser la population. La population qui se rébelle, évidemment, ne veut pas subir ces mesures d'austérité-là parce que les financiers, parce que les banquiers ont crashé leur propre système, hein, un système qui est basé sur la dette, donc qui est appelé à s'effondrer inévitablement. Un autre article qui parle de Goldman Sachs qui dirige le monde, la Banque de l'Angleterre qui sera la prochaine. Des terroristes financiers qui vont exploiter le chaos et qu'ils ont créé eux-mêmes pour prendre contrôle total de sauver du système financier. Là, vous avez des spéculations que la tête de la Banque centrale canadienne, Mark Carney, pourrait être le prochain gouverneur de la Banque d'Angleterre. C'est incroyable, amenant avec lui la possibilité d'une domination virtuellement complète de l'Europe par Goldman Sachs. Les mêmes terroristes financiers qui ont aidé à amener l'écroulement financier de l'Europe. Alors, vous avez Mark Carney, qui est le gouverneur de la Banque centrale du Canada en ce moment, qui a été de façon informelle approché pour être un potentiel candidat pour remplacer Sir Mervyn King à la tête de la Banque de l'Angleterre en juin prochain, a rapporté le Financial Times. Alors, c'est intéressant, ça aussi, là. Vous avez le mécanisme de stabilisation européen, ou plutôt comment que le vampire Goldman Sachs est en train de capturer l'Europe, un excellent article de Alan Brown que je vous invite à découvrir. Alors, allez découvrir comment qu'on joue dans la part de Goldman Sachs, pour prendre contrôle de pays en entier. Hein, vous avez en décembre 2011, la Banque centrale européenne, le président Mario Draghi, un ancien président de Goldman Sachs en Europe, a été capable d'approuver un projet de sauvetage de 500 milliards d'euros pour les banques européennes sans demander la permission de quiconque. Okay, puis on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de stabilité européenne qui a été passé en plein milieu de la nuit, si on veut, sans même être mentionné dans la presse, grosso modo, et puis qui va imposer encore là plus de dettes sur les membres du gouvernement européen en ajoutant des taxes, évidemment, sur tous les Européens et puis en plongeant de plus en plus l'Europe dans la dette. Pour le profit de qui? De Goldman Sachs, qui va prendre contrôle après ça de différents pays, comme ils l'ont fait en Italie puis en Grèce. Donc, on prête de l'argent, on prête de l'argent, on prête de l'argent, on prête de l'argent jusqu'à temps que les pays soient plus capables de s'en sortir. Et puis après ça, on prend contrôle de leurs institutions financières et même de leur pays même. Alors, c'est ainsi. C'est ainsi. Alors, un dernier article avant de vous quitter. On parle des évidemment des gens qui pourraient s'enlever la vie. On a remarqué des hausses des taux de suicide dans différentes nations comme en Grèce, en Irlande, en Italie, ainsi de suite. Alors, on pourrait citer de plus en plus à ça, évidemment. Alors, on est en train de faire en sorte que, justement, là, toute l'économie mondiale va sacrer le camp. Les banques qui font de la spéculation sur le prix de la nourriture, la même affaire. Pendant ce temps-là, les gens, ils ont de la misère à manger. Donc, voyez un peu là comment qu'on vous traite. Là. C'est vraiment une guerre financière qu'on mène au reste de la population mondiale. Donc, plusieurs articles par rapport à ça, des blueprints pour un gouvernement mondial qui ont été révélés. Alors, ça aussi, là, c'est une campagne pour un gouvernement mondial créée par un manifesto en 1942 pour la qui appelle la formation du gouvernement mondial. Écrit par Rosika Schwimmer, puis Lola Maverick Lloyd, et puis avec l'aide des globalistes qui sont en train d'établir un gouvernement mondial en réponse de l'échec des Nations Unies, si on veut, là. Donc, vous avez la dette nationale américaine qui a triplé depuis 2001. Alors, on demande des réformes gouvernementales, monétaires, ainsi de suite. Alors, Bernanke au Congrès qui déclare qu'on est plus proche d'une totale destruction que ce que vous pensez. Et puis, ça continue là avec toute cette crise financière totale, un gros problème, même en Suisse, l'Islande qui essaye de régler ses problèmes de cette façon en traînant en cours et puis en essayant d'effacer des dettes là des gens. Alors écoutez, évidemment qu'il y a de quoi faire avec ça. Goldman Sachs qui a été pénalisé de 25 000 $ pour avoir manipulé les prix du pétrole. Alors voyez. Donc pendant ce temps-là, ben on parle d'une augmentation de 5 trillions $ en taxes aux États-Unis, parce qu'évidemment qu'on a un gros manque à gagner. Évidemment, on dilapide cet argent-là dans l'appareil militaire et puis après ça, dans le système financier. Donc, évidemment qu'il ne reste plus d'argent. Puis là, ben après ça, on étouffe les gens. On leur retire tout le reste de l'argent qui leur restait dans leur poche pour finir de gaver les money junkies, les gens qui dépendent, écoute, des drogués à l'argent. C'est pas plus compliqué que ça, des terroristes financiers, disons-le, les terroristes financiers. On va appeler cette émission-là les terroristes financiers. Ça va être le titre de l'émission. Donc, voilà, une dette globale totale de 190 trillions de dollars qui est plus de 3 fois tout le produit intérieur brut des pays. Alors, imaginez, là, je veux dire, c'est comme ça qu'on étouffe les pays de la planète entière en les submergeant dans la dette puis après ça en prenant contrôle. C'est comme ça qu'on infiltre les pays puis qu'on en prend contrôle. C'est plus compliqué que ça. On fait spiraler les dettes des pays, comme en Italie et en Espagne, hors de contrôle. Puis après ça, on dit qu'il faut mettre nos agents en place. Donc, vous avez même Jim Rogers qui parle d'un holocauste inflationnaire qui est en train de prendre place à travers la planète. Alors, imaginez, là. Évidemment qu'on s'attend à des soulèvements sociaux, on parle de les contrôler avec des produits chimiques, ainsi de suite, ben oui, évidemment. Et puis l'élite globale qui cache pendant ce temps-là 18 trillions de dollars dans des banques offshore, qu'on appelle, là, donc des banques dans les paradis fiscaux, autant aux Bahamas, Barbades, aux Bermudes, aux îles Caïmans, en Dominique, ainsi de suite, Malta, à Monaco, partout, là, je veux dire, on est des banques comme ça, offshore, là, où est-ce qu'on cache l'argent. Donc, on estime que 80% de toutes les transactions bancaires internationales prennent place dans ces banques offshore, puis 1,4 trillion de dollars est gardé, caché dans ces banques, comme juste, par exemple, aux banques des îles Caïmans. Alors, voyez, là, vous avez un article du Guardian qui estimait que plus d'un tiers de toute la richesse du globe entier est cachée dans ces banques offshore où elle est protégée de toute taxation et puis imposition des gouvernements. Puis après ça, on vient vous faire la morale puis vous imposer des mesures d'austérité parce qu'on a un manque à gagner. Hey, hein, comprenez-vous, là? Alors, c'est quand même assez incroyable. On estime que le gouvernement américain, là, ont un manque à gagner de 100 milliards de dollars par année à cause de ces banques offshore, ces banques à l'étranger comme ça qui sont dans des paradis fiscaux. OK? Après ça, on vient vous faire la morale. C'est absolument incroyable. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'est là qu'on s'arrête, chers auditeurs. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour davantage de nouvelles sur l'actualité mondiale. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était François Marginal pour l'Autre Monde. Ciao! Get out of town, leave the town. There's too much pollution. Is there a solution? Got to get out of town, leave the town. I won't be hanging. solution, got to get out of town. Leave the town, I won't be hanging around. I'm gonna catch the train, I'll never play your game. My life isn't based on how much money I make. I wanna live in peace, but it's hard today. There's always something trying to take it away. I'd rather change my situation than change who I am. Don't wanna hurt no one just to prove I'm a man. I wanna plant a little grass on a piece of land and help a disappointed planet as best as I can. I got to get out of town, leave the town. There's too much pollution. Is there a solution? Got to get out of town, leave the town. I won't be hanging around. I don't care about the silver. I don't care about the gold. I don't care about the sex with a heart.